Adèle Ajari, vous écoutez Albino dans l'émission Mavrika sur Arc-en-Ciel. Cauchemarder. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, merci d'être fidèles au rendez-vous le vendredi soir à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika et ce depuis presque 16 ans, ça sera 16 ans exactement au mois de juin, donc en attendant on a fait 681 émissions, la semaine dernière nous avions ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel Lonson Sonic Watson, voilà. C'était la première fois filmé. C'est Christian, l'ex-chanteur des Goodbye Watson et l'actuel chanteur des Sonic Lag, voilà, qui était avec nous avec son projet solo. Et puis on a écouté pas mal de musique et dont la sienne. Et tout à l'heure, je vous passerai un petit morceau juste après, hein, juste après le jingle, un petit morceau de l'émission précédente. Et depuis le début de l'émission, on a écouté Ripped and Tears avec le titre Théorie. La Jarry avec Où sont passés mes rêves. Et à l'instant, on vient d'écouter les Twister Corers avec Falling Rain. Voilà, tout à fait. Voilà, on est dans l'émission numéro 682, si vous avez bien suivi. Et ce soir, nous avons aussi des invités. Nous en avons une qui est là pour représenter le groupe au complet. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. La semaine dernière, donc, c'était Lonson Sonic Watson. La semaine prochaine, j'attends une petite réponse. Hein, donc, on devrait avoir quelqu'un. Il n'y a pas de souci, mais j'attends une réponse parce qu'il y a eu un petit désistement, mais ça se fait comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en attente. C'est l'occasion justement de les contacter, de les faire venir dans l'émission Mavrika. Et ce soir, pour cette émission numéro 682, c'est une date qu'on avait retenue depuis pas mal de temps. C'est une date qui nous a été retenue par le groupe Oniris. Ils sont présents ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Du moins, il y a Aude qui est là pour la représenter. On la retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 22h. Vous êtes très bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz dans l'émission Mavrika. Le vendredi, j'écoute Mavrika. Thank you. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre invité. Alors ce soir, j'ai comme invité le groupe Oniris qui est représenté par Aude. Ça va Aude? Ça va et toi Albino? Très bien, bah, ça fait plaisir de te revoir. Donc c'est vrai que cette date-là, elle avait été retenue déjà depuis pas mal de temps parce que effectivement, il y avait un événement. C'est cette semaine qu'est sorti le nouvel album. C'est aujourd'hui qu'est sorti le nouvel album. Donc pile poil, voilà, en exclusivité mondiale, mais je dirais même plus universelle, dans l'émission Mavrica, donc le nouvel album de Oniris. Donc Oniris, vous étiez déjà venu dans l'émission. J'ai pas regardé le numéro d'émission, tu te souviens, la dernière fois que vous étiez venu? Alors là, c'était dans les débuts d'Oniris. Ouais. Donc ça devait être peut-être en 2023. Ouais, on doit le retrouver. On va s'amuser à le retrouver. Donc le début de Oniris. Alors Oniris, tu vas nous expliquer ce que c'est comme concept. Alors. Elle est directe, voilà, comme voilà, ça. Voilà, c'est vrai que c'est un concept, puisque c'est un groupe qui mélange musique électronique et musique du monde. Ouais. Alors, à l'avant, il y avait une dimension danse qu'on a arrêtée, donc là, c'est un peu la refonte du projet. Donc, on est deux avec Thomas. Malheureusement, ouais. Il n'a pas pu venir ce soir, hein, il s'excuse. Ouais. THX, donc on le connaît sous voilà, ce nom-là THX aussi. THX Tom. Mmh. Donc on pense bien à lui, je sais qu'il a eu un empêchement, sinon il serait là avec nous. Voilà. Et on l'aurait accueilli avec beaucoup de plaisir, mais ça va plus se faire. Donc on pense beaucoup à lui, et puis donc on va parler quand même du groupe Oniris, même s'il est absent, j'espère qu'il pourra écouter l'émission un peu plus tard, et revenir aussi dans nos studios dès qu'il y aura à nouveau de l'actualité. Voilà. Très bien. Donc, c'est un duo. c'est un duo. Thomas, c'est plutôt tout ce qui est le côté électro, puisqu'il fait des claviers, de la MPC et de la batterie. Alors, MPC, c'est c'est une boîte à rythme. D'accord. C'est tous les sons un peu de basse, les batteries électroniques, toutes ces choses-là, ça sort de cet engin. C'est un engin carré avec des couleurs ah et oui, des carrés. C'est un genre de pad où il appelle ça. Des samples, des choses comme ça, exactement, des sons, tout etc. Tout à fait, il y a des samples aussi. On sert beaucoup dans la musique électronique, aussi bien dans le rap que dans l'électro, quoi. On sert beaucoup de ça. Hip-hop et rap, électro, effectivement, on sert beaucoup de ça. Et ça a pas mal d'avantages. Thomas, dans sa MPC, il a aussi toutes mes voix. Puisque quand on va écouter ce soir, vous allez voir que j'ai... C'est pas toi qui chante? Alors, c'est moi qui chante, en fait. Oui. Mais si t'es avec toi, t'as déjà écouté. Donc, ouais. Tu sais qu'il y a souvent plusieurs voix en même temps. Oui. Ce qui est impossible à faire en live. En tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait. Du coup, les voix, elles sont toutes dans la MPC. D'accord. Tout a été enregistré, monté, mixé, et les voix elles sont dans la MPC. C'est Thomas qui les sort. D'ailleurs, il s'est amusé aussi des fois à les transformer un peu. À les modifier. Voilà, exactement. Au niveau du timbre, il a mis des effets sur les voix. Les effets aussi, oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est un peu le technicien aussi, Thomas. Alors le technicien, c'est Lamine. D'accord, j'ai bien fait d'en parler parce oui, voilà, exactement. On oublie une troisième personne qui ne fait pas partie du groupe directement. Alors, mais il qui est pas quand sur même derrière. Scène, ouais. Mais il fait partie du groupe parce que pour avoir fait des concerts sans lui, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que donc du coup moi je fais des flûtes et j'ai pas mal de pédales et il faut quelqu'un qui sache gérer ce genre de son. Sinon, ça part en Larsen. Ça nous est arrivé quand c'était pas Lamine au son, et c'est vrai que c'est pas agréable pour le public ou pas agréable pour nous. Donc là, au moins, il nous connaît. C'est lui qui a mixé tous nos. Ça, c'est un gros avantage justement quand il y a un technicien qui vous accompagne sur les scènes, parce que sur place, il y a souvent des techniciens, des gens qui sont capables de faire le son et tout ça, mais qui connaissent pas forcément vos morceaux. Donc, ils vont pas savoir les gérer bien comme il faut au moment précis, hein, parce que ils vont faire un truc d'ensemble, mais ça va pas être vraiment spécifique à votre musique. Et lui, comme il connaît tous vos morceaux, il connaît les sons, il connaît les modifications qu'il a apportées. Ben, et voilà, c'est un gros avantage, quoi. Très bien. Donc là j'ai vu aussi ça a été partagé tout à l'heure, donc tu l'as vu aussi. Donc c'est la troisième personne qu'on voit ici sur la photo qui nous a été envoyée par Georges. Non. J'imagine. C'est la photo que tu m'as partagée tout à l'heure. Ouais, c'est celle-là. Ouais, oui, tu, c'est tu ça, l'as c'est... pas sur l'écran. Ah oui, c'est pas. Normalement, il y a un rappel Ils sur l'écran. Ils sont tout noirs les écrans. D'accord. Il n'a pas été allumé, c'est pour ça. Donc voilà. Donc oui, c'est la troisième personne la troisième sur la personne. Photo. Voilà. C'est-à-dire que Thomas, il est barbu. Il a les cheveux gris blanc. Et il est barbu. Et Lamine, il est pas barbu. Non, il est pas barbu. Il est grand. Ouais. Voilà. Donc voilà, parce que tout à l'heure, justement, j'ai partagé ça, c'est la photo qui apparaît sur le site de Radio Arc-en-Ciel, donc qui est fait par notre webmaster Georges, qui est au Portugal, qui ne Merci connaît pas Georges. Forcément les groupes, mais qui fouille un peu, donc il me demande les Facebook, il essaie de trouver une photo, il nous fait une petite présentation pour le site de Radio Arc-en-Ciel, et je le partage aussi dans le Facebook de l'émission Mavrica, ce qui est tout à fait normal, puisque justement invité aujourd'hui à 19h, parce que voilà, il le met à jour, etc. Donc c'est sorti aujourd'hui, donc aujourd'hui à partir de 19h, donc Oniris, et tu es toute seule, Aude, pour représenter le groupe. Mais bon, tu vas bien en parler, donc et en plus on a des morceaux à diffuser, des morceaux que j'avais déjà en exclusivité mondiale, même avant la sortie, hein, faut quand même le dire. Voilà, parce que je m'attendais à ce que tu me ramènes justement des nouveaux morceaux. Tu dis, maintenant, tu les as déjà tous, on les a. Ah, bah, ouais, c'est ceux-là. Bon, bah, ok, bah, très bien. Donc, je les connais déjà un petit peu. Alors, ce nouvel album, il est sorti aujourd'hui, sous quelle forme? En CD? Non, il est pas. Non aujourd'hui, c'est... on va pas se mentir. On vend plus de CD. Voilà, il y a des groupes qui font des CD. Il y en a qui font encore des vinyles. Mais aujourd'hui, la plupart des gens le distribuent par des plateformes, quoi. Ouais, c'est comme ça. En numérique. En numérique. Bah, surtout dans le style qu'on fait, dans tout ce qui est électro. D'accord. Il y a pas vraiment de CD ou de choses comme ça. Ouais, c'est l'ancienne technologie, ça, déjà. Donc c'est que du numérique et c'est sorti sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube Music, voilà, toutes les plateformes de musique. D'accord. Pour les gens qui sont intéressés, justement, ils peuvent aller sur ces plateformes-là et ils tapent Oniris. Oniris, c'est A-U, hein, N-I-R-I-S. Donc voilà, vous tapez. Et théoriquement, ils tombent sur vous du premier coup ou il y a d'autres? Normalement, il n'y a pas d'autres Oniris, A-U-N-I-R-I-S. Ouais, parce qu'après, j'ai vu aussi des Oniris avec un O. Tout à fait. Ça existe aussi. Omiris aussi, avec un M. Mais Oniris, je pense que vous êtes les seuls, donc on doit trouver facilement. Et on trouve cet album-là avec combien de morceaux? 8. 8. Le piège. C'est ça, j'ai eu un gros trou de mémoire. Ne voilà. Me demande pas les titres, là, tout de suite, maintenant. Il y a 8 morceaux. Oh non, on va les découvrir au fur et à mesure de l'émission, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, cet album sort aujourd'hui et il s'appelle comment? Il s'appelle Infinity Scale. Échelle infinie. Voilà. Oui, et en fait, c'est un jeu de mots parce que scale, en anglais, c'est aussi les gammes. D'accord. Dans la musique. Mmh. Voilà. Ok, je sais pas. Donc c'est un jeu de mots entre les échelles infinies et les gammes infinies. D'accord. Donc voilà. Bon, Chuck Norris nous a quitté il y a pas longtemps, mais lui, il avait compté deux fois. Il avait compté jusqu'à l'infini et deux fois apparemment. Donc infini en principe, on ne finit jamais. Voilà. Très bien. Donc Infinite Scale, le nouvel album, et on écoute un morceau tout de suite. On va commencer par le morceau qui s'appelle Couleur. Tu veux nous en parler un petit peu avant ou on en parle après? Non, on peut en parler après. On va l'écouter déjà, ouais. on va s'imprégner de votre univers et puis après on en parlera un petit peu. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica, le vendredi de 19h à 22h et ce soir nous recevons Oniris. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On vient d'écouter un premier morceau qui s'appelle Les Couleurs. C'est le groupe Oniris. C'est notre invité de cette émission numéro 680. Je suis perdu. 82. Deux. Voilà, très bien. 682. Voilà, tu suis bien. Impeccable. Effectivement, des fois qu'on est au micro, on est un petit peu perturbé. Surtout que là, la musique s'était un petit peu arrêtée. Bon, c'est pas bien grave. On est dans l'émission Mavrica. On va découvrir donc tout votre univers pour ceux qui vous connaissent pas encore. Hein. Et on peut rappeler aussi que vous étiez déjà venu il y a quelque temps au début de ce projet-là. Alors le projet, il a combien de temps? Il a 2-3 ans. C'est ça. On a commencé en 2022 avec Thomas à composer. Nathalie, la danseuse, nous a rejoint en 2023. On a travaillé surtout après sur le spectacle qui mélangeait musique, danse et poésie. Et puis le spectacle s'est arrêté l'été 2024. C'est ça, oui. Et le projet a été un peu en pause. Et puis en 2025, on s'est remis. On a composé des titres avec Thomas pour refaire un nouveau set. Donc là, c'est un album, mais on a vraiment refait un peu, repensé tout le set pour que ce soit plus électro, voire certains morceaux plus hip-hop. D'accord. Donc un autre travail, quoi, finalement, parce que le projet évolue. Hein. Et aujourd'hui, donc, il y a plus personne qui danse sur la scène ou... Non, aujourd'hui, non, c'est vraiment que un format concert. D'accord, juste format concert. Et ça vous permet de jouer dans des endroits, par exemple, des grandes salles, sur des grandes scènes, ou alors même dans des endroits un peu plus petits, quoi. Un peu plus modeste. Après, c'est vrai que par contre, on a besoin de place parce qu'on a beaucoup de matériel. D'accord. Donc, j'imagine. Donc, il faut avoir des prises, des rallonges, des machins. Il y a des câbles de partout et c'est quand même de la musique électronique. C'est ça. Mais pas que. Puisque là, on a entendu ta voix. Alors, la voix qu'on a entendue là, c'est Thomas qui l'envoie ou c'est toi qui la répète? Alors, en fait, c'est Thomas qui l'envoie. Ouais, moi, j'ai enregistré deux voix parce qu'il y a deux voix en fait en simultané qui font une harmonisation. Et après, c'est Thomas qui les a montées dans la MPC, qui les lance. Là, ça va, il a pas touché, il y a pas d'effet dessus. D'accord. Donc c'est la voix naturelle, c'est oui, la c'est tienne. Ça. Et après, il joue donc les trucs électroniques et tout ça. Il est batteur à l'origine aussi. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il joue de la batterie aussi au même temps? Parce que j'imagine, j'ai pas eu l'occasion encore de vous voir sur scène. Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où il y a de la batterie, il y en a où il y en a pas. Dans celui-ci, il y en avait pas. D'accord. Donc, c'est des machines qui font tout le travail. Exactement. Et par contre, la flûte, c'est une vraie flûte. Ah oui, par contre, tout ce qui est flûte, ce sont des vraies flûtes. Bah oui, parce que, en même temps, toi, tu es flûtiste, il faut quand même le dire. Donc, tu es une artiste qui connaît toutes les flûtes. Tu joues combien de types? Oula, de... toutes les flûtes, j'irai pas jusque-là. J'en connais un sacré paquet, mais je connais pas, je joue pas de toutes les flûtes. Ouais, pas parce encore. Qu'effectivement, dans le monde entier, il y en a énormément de flûtes. Des dizaines de milliers différentes. Ouais. Ouais, et puis avec des tonalités différentes. Exactement. J'imagine, avec il y a des gens qui ont, par exemple, dans d'autres continents, ils ont des gammes complètement différentes des nôtres, donc c'est pas forcément possible d'exploiter ces flûtes là sur des sons occidentaux. Ça dépend, des fois on arrive ça, aussi ouais, ça dépend vraiment tu vois, par exemple j'ai une flûte en bambou, j'en ai amené une là dont je joue dans un morceau, mais en fait j'en ai plein des flûtes en bambou, et j'en ai qui viennent du Japon, oui. J'en ai qui viennent de Chine, mais j'en ai qui viennent du Brésil aussi. En fait, la flûte en bambou, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. Flûte traversière en bambou comme flûte, je sais pas comment on dit, devant, flûte droite. Hein. Ouais, flûte droite et la flûte de pan aussi. Hein. Elle est en bambou aussi, elle est ficelée différemment. Ouais, mais c'est encore différent. Mais tu joues de la flûte de pan, toi? Alors, j'ai un aéroumain qui est la même chose que la flûte de D'accord. pan, ouais, j'en joue un peu. D'accord, hein, donc c'est plusieurs choses différentes. Donc effectivement, c'est pas évident de jouer tous ces instruments-là. Et toi, tu en maîtrises combien, finalement? Alors là, je sais pas, j'en ai une vingtaine chez moi, je pense. Une vingtaine, d'accord. Ouais. Donc il y a des comment ça se passe les flûtes? Il y en a des longues qui font des sons un peu plus graves, il y en a des toutes petites qui font des sons plus aigus. Basiquement c'est ça. Et après il y en a soit des droites comme les flûtes à bec, soit des traversières qui se mettent sur le côté. D'accord, très bien. Donc, dans les morceaux que tu interprètes, c'est souvent des traversières ou c'est plutôt des droites que tu utilises? Ça dépend. chez GD2. D'accord, ok. Et dans le morceau qu'on vient d'écouter ? Là, c'était la traversière, c'est la traversière classique en plus. D'accord. Non, parce que, et nous, on n'y connaît rien, et je voudrais que les gens qui écoutent se disent c'est un vrai métier, c'est un vrai boulot de jouer autant d'instruments et tout ça, et que toutes les flûtes ne se jouent pas de la même manière, et qu'il est intéressant de connaître un peu les différents types, etc., pour pouvoir se faire une idée. Voilà. Celle-là, en plus, elle est un petit peu spéciale. Les flûtes traversières, elles ne font pas le côté glissé comme il y a dans le morceau, c'est que j'ai une tête spéciale pour faire les glissando. D'accord. Parce que sinon, tu trouveras pas de flûtiste avec une flûte traversière en ut classique qui peut faire ça. D'accord. C'est une tête spéciale. Ah oui, c'est donc elle est modifiée ou oui, elle a été fabriquée Elle est modifiée pour justement bouger en fait et faire des glissés. D'accord, très bien. On écoute un deuxième morceau. Alors moi, j'ai calé un morceau, c'est L'île au trésor. Est-ce que ça te convient? Ça va, oui, on a du temps du coup. Oui, ah ouais, elle est très longue. Je crois que c'est celui qui est le plus long du set, ouais. Très bien, bah ça va nous permettre d'accueillir notre ami Hervé qui est là pour faire sa petite chronique tout à l'heure. Donc tu connais Hervé J'apprécie, non? Non, bah, je connais pas. C'est une personne qui, comme moi, découvre des artistes et essaie de les faire connaître. Et comme on s'est rencontrés, on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire une petite chronique dans l'émission Mavrika pour, pendant qu'on reçoit des gens dans le studio, parler aussi d'autres personnes qu'on recevra peut-être jamais ou parce qu'ils sont loin ou alors on recevra peut-être un jour, on va les découvrir dans l'émission Mavrika et peut-être ce sera justement l'occasion de les inviter. Voilà. Donc Hervé va s'installer et puis on va écouter donc le morceau de Oniris qui s'appelle L'île au trésor. Maintenant, dois-je surveiller tous les bateaux qui arrivent dans la baie. La signature de Fidelin. Voilà notre ami qui s'est voté. at the foot of the ladder. C'était donc l'île au trésor. Donc quand on parle d'ambiance, on parle d'univers, ben là on a vraiment découvert, on est rentré dans votre univers. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance particulière. On imagine plein de choses avec la musique d'Oniris. Bah, c'est un peu voulu. C'est un peu voulu. L'idée, c'est de se créer des paysages, visuellement en fait. Là, l'île au trésor. En plus, au début. Pour les très très grands connaisseurs, on a samplé des bouts de la voix de Stephen. Enfin, ça fait référence au livre de Stevenson, en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de Jim Hawkins, de regarder l'horizon et de choses comme ça au début du morceau. Donc l'idée, c'était voilà d'explorer un peu ce paysage. À la fois le côté très dynamique de la piraterie, du voyage, et puis côté ouais, très planant. Il était un peu en deux parties, hein, une partie un petit peu plus dynamique, et puis après une partie beaucoup plus planante où on fait attention aux effets. Il y a un tas d'effets. On est vraiment dans un climat particulier, donc et ça nous force un petit peu à imaginer plein de choses. Voilà. C'est l'idée. Très bien. Voilà, donc on a découvert deux morceaux. Il nous en reste encore six du nouvel album, puisque le nouvel album s'appelle... il s'appelle... Infinity Scale. Ah, tu le dis beaucoup mieux en anglais que moi. et donc, c'est le nouvel album d'Oniris. Et il sort aujourd'hui sur toutes les plateformes et en exclusivité dans l'émission Mavrika. Voilà. On va retrouver donc notre ami Hervé, juste après le petit jingle. Jingle bien sympathique de Hervé, j'apprécie, qui est notre chroniqueur depuis deux semaines. C'est la deuxième semaine où tu viens tout nous parler fait. D'autres artistes, parce qu'il y a des gens qu'on a la chance de recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et d'autres qui en valent vraiment la peine et qu'on n'a pas forcément l'occasion de les recevoir tout de suite. Donc ça viendra. Peut-être ça viendra justement au passage lors d'un passage pour un concert, par exemple, s'ils passent sur Orléans, on pourra les recevoir. Donc je te laisse la parole, à toi de jouer. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Dead Chic, retenez ce nom. Dead Chic, c'est d'abord une voix qui charrie des cailloux, des rochers, des récifs, des blocs, des montagnes, des massifs entiers. C'est simple, vous additionnez les voix de Rod Stewart, de Midnight Oil, de Joe Cocker, de Tom Waits, et vous serez encore en dessous de la vérité. D'accord. Cette voix, c'est une main qui perfore ta cage thoracique et t'écrabouille le cœur. Et c'est bon. Mais Dead Chic, c'est aussi un groupe. Un groupe franco-britannique, j'oserais même dire franc-comtois britannique, puisque la moitié du groupe vient de Besançon. Alors je vous les présente, et ce d'autant plus volontiers que je sais qu'ils nous écoutent ce soir. D'accord, très bien, on fait un petit coucou alors. Un petit coucou. Le chanteur est anglais, il s'appelle Andy Balcon, en VF André Balcon. D'accord. Ex du groupe Hey Moonshaker. Le guitariste, c'est Damien Félix, c'est un ancien de... Il a joué avant dans Catfish et dans Bigger. Le claviériste s'appelle Mathis Akengin, et il a par ailleurs un excellent projet solo dont j'espère on reparlera bien très bientôt quand son album va sortir. Et il y a pour compléter le quatuor, le batteur Rémi Ferbus, qui joue avec pas mal d'autres artistes aussi en parallèle, notamment Nayamo. Il se peut qu'on en reparle aussi. Donc quatre individualités bourrées de talent, formant un groupe homogène et complémentaire. Comment résister à une telle association de bienfaiteurs? Ils jouent une musique qu'on dit cinématographique. J'ai lu ça un peu partout. Alors c'est quoi une musique cinématographique? Eh bien, j'ai posé la question à Damien, le guitariste, parce que j'ai eu la chance de l'interviewer avec Mathis, le claviériste, lors du dernier Grand Unisson où ils étaient passés. D'accord, ok. Et vous retrouverez l'interview complète, si vous voulez vous y intéresser, sur j'apprécie.fr. D'accord, j'apprécie.fr, donc c'est le site que tu alimentes. Absolument. Régulièrement avec plein de choses. Il y a des photos, il y a des chroniques, des playlists, des interviews. Il y a plein de choses pour découvrir les artistes, quoi. Vous regardez, c'est classé par artiste, et à chaque fois qu'il y en a un qui vous interpelle, vous pouvez aller dedans et puis écouter tout ce qu'il y a de découvrir voilà, vraiment. Il y a des liens vers les écoutes en ligne. Très bien. Et donc, c'est quoi une musique cinématographique? La réponse de Damien, c'est une musique qui est liée au paysage ou aux ambiances. Et c'était leur façon de composer, à Andy et lui. Ils s'échangeaient des images, des visuels, pour s'inspirer. Leur référence, leur grosse référence commune, c'est Ennio Morricone. Et pour moi, en les écoutant, je vois une autre imagerie qui me vient en tête, c'est la série que vous devez connaître, Peaky Blinders, qui a une excellente bande sonore dans ce qui se fait de mieux en rock anglo-saxon. Moi, j'imagine très bien que la musique de Dead Chic pourrait s'intégrer là-dedans sans problème et collerait à merveille. Les textes en anglais de Dead Chic racontent à mots couverts des histoires de prêcheurs et de prophètes, de romances, de liberté et d'exil, d'amour défunte qui reste en mémoire. Ça, c'est dans leur premier album qu'ils ont sorti fin 2024, un album intense et profond. Il s'appelle Serenades and Damnations. Et une version deluxe est sortie début 2026 avec quelques titres inédits, dont The Bells and the Fists, qu'on va écouter. Si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de bassiste dans le groupe. C'est généralement le claviériste qui joue les basses sur un deuxième clavier. Mais sur ce titre, exceptionnellement, Damien a fait une formidable ligne de basse que vous allez remarquer. Et il y a également plein d'autres petits trucs dans l'enregistrement. Il y a un couvercle de poubelle, il y a des bouts de ferraille, etc., etc. Il s'appelle Dead Chic, retenez ce nom. We'll be right back. Voilà, on vient découvrir donc ce groupe qui s'appelle Dead Chic. Merci Hervé de nous l'avoir présenté. Avec plaisir. Tu connaissais ce groupe-là ? Non, je connais pas. Ça t'a plu ? Le morceau t'a plu ? C'est bon. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais, voilà. Donc on écoute, c'est une première audition comme ça. J'espère que ça va donner envie aux auditeurs de s'intéresser à ce groupe-là et d'aller découvrir. Donc, bon, ils ont sûrement un Facebook, une page, etc. Dead Chic. En plus, ils chantent bien en anglais parce que c'est un vrai anglais. Et, oui. Et ça s'entend aussi. Très bien, en tout cas, merci Hervé. Et puis, est-ce qu'on peut dire aussi du groupe Oniris que c'est de la musique cinématographique? Certainement. Je pense aussi, hein, oui. Parce qu'on imagine aussi, on parlait justement d'atmosphère, d'univers, de climat. Effectivement, on voyage. Et c'est un petit peu ça, et ça nous emmène dans d'autres horizons, d'autres univers. Ça ouvre des espaces. Voilà. Ouais. Très bien. Bah, merci Hervé. Donc, on va les numéros de tes émissions. Donc, c'est la deuxième. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Ou tu restes encore un petit peu avec nous ou... Ouais, bon. Il n'y a pas de souci. On va découvrir, tiens, un morceau en exclusivité mondiale, encore un autre. Oh. C'est le dernier morceau des Sonic Lag. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu Lonson Sonic Watson, qui était ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui interprétait des morceaux en direct de live. Et c'est aussi le chanteur des Sonic Lag. Et on va découvrir donc le dernier morceau. Alors ça s'appelle Gods and Men. Donc on va écouter ce morceau-là. Ça a été mixé cette semaine. Voilà, il sort brut de pomme. Il vient du studio Pôle Nord à Blois. Et on va l'écouter en direct. Voilà, c'était en exclusivité mondiale, donc le dernier Sonic Lag avec God and Men. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel puisque cette émission est consacrée au groupe Oniris. Donc Aude est ici présente dans les studios pour nous parler de ce dernier album qui s'appelle, dis-le en anglais, là, c'est Infinity Scale. En fait, c'était pas le dernier album, c'est le premier. On n'a jamais sorti d'album. On avait fait plutôt des. Oui, c'est le premier, le dernier. EP, voilà. EP et single jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment le premier album, le premier album. J'espère que ça sera pas le dernier. Là. Donc voilà. L'avenir nous le dira. Non, l'avenir nous le dira. Et on a retrouvé, bon, parce que nous, pendant ce temps-là, on cherche aussi des choses. On a retrouvé l'affiche. Donc c'était le 22 décembre 2023. Donc c'était dans l'émission numéro 575. Et on avait reçu, donc, pour la première fois, le groupe Oniris. Voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil, tu nous avais pris en photo avec Thomas. Ouais. Sur le fond rouge des studios de Radio Arc-en-Ciel. Oui, elle voilà, est là, cette photo-là, ouais. Alors, on a retouché la photo pour enlever les décors de Noël, etc. Mais c'est notre photo officielle avec le fond rouge. Oui, c'est vrai que je l'ai vu à plusieurs reprises quand il y a des concerts. Avec le Mavica écrit en bas. D'accord, très bien. Et puis, ça, moi, à la limite, tu sais, les photos que je fais ici dans l'émission Mavica, elles sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous embêterai pas pour les copyright et tout. Alors, ça. Il n'y a pas de souci. Pour moi, après, photo, même si effectivement c'est très gentil de nous la donner, c'est toi qui l'as faite. Pour moi, c'est important que la personne qui a fait la photo, elle reste. D'accord. Après, vous pouvez même s'il y a besoin de recadrer, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que beaucoup de photographes, et je les comprends, c'est leur métier aussi. Il y a certains professionnels. Pour eux, il faut vraiment respecter. Et puis quand on prend une photo, qu'on la recadre légèrement pour que ça rentre sur un cadre de, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. C'est bien, même si on coupe un petit peu la signature, qu'on le marque en dessous. Voilà, merci à tel de nous avoir offert cette photo, etc. Donc voilà. Ah mais moi j'ai fait mieux que ça parce que si tu regardes la nouvelle photo, ton nom dans la photo originale n'est plus dans le cadre. J'ai pris ton nom, ta signature, et je l'ai déplacée pour la mettre sur la photo. En tout cas, merci beaucoup. Donc non, c'est normal. C'est une reconnaissance. Et ouais, cette photo-là, en plus, elle est super sympa et on vous voit tous les deux. Et ça a été pris pendant juste après l'émission Mavrica. Tout à fait. C'était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc et on voit à l'époque il y avait une affiche d'artiste portugais qui était derrière, qui aujourd'hui a été remplacée par les années 80 parce qu'il y a un événement. Et donc cette affiche-là, tu l'as enlevée, toi, tout simplement. Oui, voilà. Et la guirlande de Noël aussi. Ah oui, c'est vrai. Un fond neutre rouge. Très bien. Donc voilà un petit clin d'œil. Si vous voyez cette photo-là dans les affiches, etc., vous savez que c'est une photo qui a été prise dans l'émission Mavrica. Et ça me fait plaisir. Voilà. Donc on va continuer à découvrir donc votre œuvre cinématographique, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, je trouve que ça s'applique bien aussi à votre musique. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une musique, surtout quand il y a des ambiances comme la vôtre, etc., où il y a plein d'effets, il y a aussi la spatialisation du son. Moi, je l'écoute au casque. Là, on a l'impression d'avancer, d'être dans un univers. Donc, ouais, on s'imagine plein de choses. Et c'est vrai que des fois, les images que vous avez voulu mettre dessus, moi, je vais peut-être en créer d'autres dans mon cerveau. Mais voilà, on associe, on est obligé de... Notre cerveau, il a besoin de se créer des images quand il y a une musique. Je pense que c'est lié, quoi, je pense. C'est voulu, en fait. L'idée, c'est... qui est pas une image que nous on impose. L'idée c'est qu'en fait chacun puisse se créer sa propre image en écoutant la musique. Et effectivement, on a beaucoup travaillé aussi sur la spatialisation entre gauche droite et avant arrière pour que ça donne qu'on ait l'impression d'être en immersion dans la musique. En immersion, tout à fait, ouais. On est vraiment dans l'espace et il y a des choses qui se passent à droite, des choses qui se passent à gauche, et etc. Donc, c'est quand c'est bien fait, les effets, en tout cas, c'est très réaliste. Et puis, voilà, on voyage vraiment grâce à votre musique. Très bien. On écoute un troisième morceau. Allez. C'est vrai que le temps passe vite, on se rend même pas compte, mais il est déjà 20h11. Bientôt, on sera à la moitié de l'émission et on n'a pas encore écouté la moitié de l'album. Donc, on a le temps, on est ensemble jusqu'à 22h. Après, on va prendre des photos. Il y aura des bons souvenirs encore de l'émission Mavrica. Et tu vas nous parler de cet album. Tu vas nous parler comment il a été fait, etc. Mais en attendant, on va écouter un morceau qui s'appelle Teardrop. Tout à fait. Alors c'est une reprise, tu m'as dit ? C'est une reprise, effectivement. On aimait beaucoup ce morceau avec Thomas, c'est un morceau de Massive Attack. Et on avait envie de de le reprendre en prenant la touche Oniris. Voilà, donc ça part, et on reconnaît le thème, mais à un moment donné, ça part. On n'est plus dans Massive Attack, on est dans Oniris. Très bien, vous êtes approprié le morceau. Très bien, on écoute tout de suite. Le morceau s'appelle Teardrop. Thank you. Voilà, on continue ce voyage donc dans l'émission Mavrica numéro 682 avec Oniris. Ce soir, je reçois Aude qui nous parle donc du duo. Thomas n'est pas là aujourd'hui, il viendra une prochaine fois, hein, parce que la dernière fois que vous êtes venu, c'était en 2023. Donc régulièrement, vous venez dans l'émission pour nous parler de la suite de vos aventures. Et là, on a voyagé, donc on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Teardrops, une reprise donc de Massive Attack, mais à la sauce Oniris, on reconnaît bien votre patte. Et donc on continue ce voyage, hein. C'est un petit peu un voyage quand on écoute votre album. L'album il est à partir d'aujourd'hui sur toutes les plateformes. Donc vous tapez Oniris, A-U-N-I-R-I-S, voilà, tout simplement, et vous tombez donc sur les nouveaux morceaux, que ceux qu'on écoute ce soir dans l'émission. On va essayer de les passer tous, on a le temps, tranquillement, donc on va découvrir les morceaux, et aussi tu nous as aussi apporté des instruments, donc il y aura du live, j'ai l'impression, non? Oui, donc, c'est pour il y aura, faire écouter un petit peu les différentes flûtes que tu nous as apportées. Alors, ouais, j'en ai pris que 3-4, hein, c'est tout. Ouais, que 3-4, hein, c'est tout. Bah, j'en utilise plus dans l'album, hein. Dans Oniris, j'en utilise une quinzaine sur scène. Ah, d'accord. Tout ouais. À l'heure, dans L'île au trésor, j'utilisais le tin whistle, donc une flûte irlandaise, mm-hmm. avec une pédale de chorus. D'accord. Donc en plus, non seulement il y a la flûte, mais en plus il y a des effets dessus. Il y a des effets, oui, bien sûr. Bah c'est pareil. Toujours dans L'île au trésor, j'utilise beaucoup la pédale de wah-wah. Mmh. Qui donnait les côtés un peu ouin, sur la flûte. Donc qu'on utilise habituellement sur les guitares, etc. Tout à fait. Donc la pédale ouin, en vérité, c'est une pédale qui est associée avec un potentiomètre qui augmente et qui diminue. Voilà, c'est tout bête. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de potentiomètre, c'est électronique, etc. Mais bon, le principe était là. Hein. On avait inventé ça dans les années 70. Et depuis, bon, il continue d'être utilisé dans les guitares. Mais pas que. La preuve, c'est que tu l'utilises aussi pour les flûtes. Oui, voilà. J'ai des pédales de guitariste, en fait. Parce qu'il n'y a pas de pédale de flûte. Bah oui, c'est pour ça. On a du mal à se mettre ça dans la tête. C'est vrai que il y a des instruments pour lesquels on a développé pas mal de technologies. Et il y en a d'autres qu'on a laissé un peu de côté. Mais qui peut quand même se servir des technologies existantes, et en mettant ça à la sauce flûte, on arrive toujours à développer. Donc toi, tu recherches les sons, tu... Ouais, voilà. Ça demande du travail, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, moi, là-bas, j'ai une formation classique. Mmh. Après, je suis allée sur les musiques du monde, les musiques traditionnelles. J'ai fait un peu de jazz, les musiques actuelles aussi, beaucoup. Mais des choses, on va dire, basiques, même si je fais aussi du beatbox dans la flûte ou des choses comme ça. Mmh. Néanmoins, j'ai commencé à faire un travail de recherche sur les sons pour dénaturer les sons des flûtes. Alors, on peut le faire naturellement, puisqu'il y a toutes les techniques de tout ce qui est growl, etc. Ça dénature le son des flûtes, c'est quand on chante dans la flûte. Mais là, ça fait déjà plusieurs années, depuis 5 ou 6 ans, que je travaille avec des pédales. Donc, y a des pédales, ça marche pas du tout avec la flûte. Ah, il y a des trucs. Parce que donc pour c'est les vraiment simples et bonnes raisons, une recherche, quoi. C'est de la recherche, quoi. C'est vraiment. C'est pas que le son ne marche pas, c'est qu'en fait, c'est prévu pour des instruments qui sont branchés, donc dans lequel il n'y a pas un micro avec un son naturel. C'est ça qui me pose le problème pour certaines pédales. Par exemple, dans Celtic Rock, un autre groupe dans lequel je joue, j'utilise une pédale de distorsion. Et c'est très compliqué. Il faut que je le couple à un equalizer qui soit réglé. L'ingé son, il faut qu'il gère pas mal de choses dans le son pour pas que ça parte en Larsen. Parce que normalement, c'est prévu pour être branché en jack sur un instrument qui fait pas de son en direct. D'accord. Donc voilà. Après, moi, j'aime beaucoup la pédale de chorus. J'utilise ça dans Oniris parce que c'est vrai que ça, je travaille des réglages parce que sinon, on a l'impression que c'est vraiment très, très faux. Mais j'aime bien la pédale de chorus, la pédale de wah-wah parce que ça fait des sons vraiment sympas. Le delay aussi. On peut faire pas mal de choses avec la pédale de delay. Mais j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur la chaîne de Musique Équilibre pour présenter les pédales. J'aime aussi beaucoup l'octaveur puisque forcément, en faisant de la flûte, on a un instrument qui est plutôt aigu. Mmh. Et avec l'octaveur, on peut carrément faire des... Alors, ça sera jamais des vraies basses comme une guitare basse, mais on peut quand même faire des bonnes basses avec un octaveur. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça change la hauteur de la note, quoi, finalement? C'est ça. Ça descend d'une octave. Une à deux octaves. Ah ouais, carrément. Plus grave que l'instrument. Mais ça, en plus de ton instrument ou En plus de l'instrument. En plus de l'instrument. Ouais. C'est un instrument, tu supprimes pas le son en direct. D'accord. Du coup, t'as un double son. Oui, oui, c'est ce que j'imaginais. Donc, ouais, double son. Donc, il y a deux, comme s'il y avait deux flûtes, alors qu'en vérité, tu joues une seule, quoi. Oui, sauf que du coup, l'autre, ça a pas un son de flûte, ça a un énorme son de basse. Oui, oui, j'imagine. Ouais, deux octaves en dessous, ça fait quand même beaucoup. C'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est utilisé aussi des fois pour des voix, simplement. Moi, j'ai déjà vu aussi des gens qui, à des fois, on a l'impression qu'il y avait deux personnes qui chantaient. En vérité, il y a deux voix. Et en vérité, il y a la voix réelle et la voix qui est un petit peu modifiée avec quelques notes. Je connais pas trop le principe de la musique, donc toi t'es beaucoup plus spécialiste que moi. Mais c'est pas la même note, quoi. On s'aperçoit bien que c'est une autre voix qui est calquée sur la première, quoi. Mais il y a des effets en fait comme ça, des micros où tu fais ressortir les harmoniques en fait de la voix. C'est-à-dire que tu chantes une note et ça te sort la tierce et la quinte, ça sort un accord en fait. D'accord. J'avais vu une chanteuse au festival de jazz qui avait utilisé ça, je trouvais ça génial. C'était dans son, soit c'était son micro, soit c'était un effet qu'elle avait rajouté, je me rappelais plus, mais je trouvais ça super. Mais là, dans Salam, qui, spoiler alert, est le prochain morceau qu'on va passer. Voilà. Donc, il est calé, hein, il est sur la platine. Il y a de l'octaveur, justement, à un moment donné, même sur la voix du début. D'accord. Donc, Salam, on pense que c'est un truc oriental un peu, non? Inspiré peut-être. Inspiré effectivement. Parce que salam, c'est ça veut dire bonjour en arabe. Tout simplement. À fait, exactement. Et on a fait une introduction avec Thomas qui reprend des voix comme on peut l'entendre, des chants arabes, voilà, avec des phrases entières. Mais on n'entend pas que des instruments et que des sonorités arabes. Puisque tu parlais des flûtes, j'utilise une flûte gourde qui s'appelle le ouloussi, qui est une flûte chinoise. Une flûte chinoise que tu as apportée aujourd'hui. Donc voilà. Elle était dans un étui. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une... C'est une base, c'est une calabasse. C'est une... Non, c'est une courge. Une courge. Un cucurbitacé. D'accord. Ouais, parce que là, ce truc-là, on le connaît aussi pour faire justement des caisses de résonance et aussi pour boire, simplement. Tout à fait, exactement. Et en fait, c'est une flûte qui a, alors vous pouvez pas voir, mais toi tu vois, Albino, il y a trois tubes. Il y a trois tubes, ouais. Donc en fait, il y a le tube pour faire les mélodies et il y a deux bourdons. C'est des bourdons, ouais, un peu comme dans les cornemuses. Exactement, en fait, ça peut s'apparenter à la cornemuse, sauf qu'il n'y a pas de poche dans laquelle on peut conserver l'air. Ouais. Donc en fait, c'est du son en direct. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que toi, par exemple, la cornemuse, c'est un instrument que tu saurais jouer? Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. J'ai plein de copains qui jouent de la cornemuse, j'ai pas envie qu'ils me détestent. D'accord, parce que, effectivement, tu as la facilité, cornemuse, c'est un peu comme une flûte aussi, un peu. Il faut gérer le souffle, qui n'est pas du tout pareil. Le décalage entre souffler et appuyer sur le bras pour l'air. Ça, c'est le truc un peu magique, hein. C'est-à-dire que quand on voit un musicien, il est en train de souffler dedans, on sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, il s'arrête de souffler, l'instrument continue de jouer. Bah, c'est le côté magique de la cornemuse aussi. Mais bon, toi, c'est pas ta spécialité, mais peut-être un jour, tu testeras, je sais pas, dans un prochain album. Oula! Ouais. Je sais pas, je vais m'en tenir à la flûte gourde. D'accord. Voilà. Flûte gourde, donc, et ça a quel son? Alors, ça a quel son? Alors là, j'ai mis un des deux bourdons. D'accord. Je m'écarte un peu parce que c'est un peu sonore. Ok. D'accord, c'est, bah, c'est puissant et c'est vrai que ça rappelle un petit peu quand même le son de la cornemuse. Il y a quand même comment ça s'appelle justement l'instrument que les Bretons utilisent, mais justement sans souffler, c'est une cornemuse sans le truc, c'est un nom. La bombarde. Ouais, la bombarde. Voilà, mais je cherchais le nom. Il y a pas de bourdon, ouais. Mais c'est-à-dire que au niveau de la sonorité, ça me rappelle un petit peu ça. Sauf que là, il y a le bourdon. Oui, c'est vrai qu'on a entendu cette note qui est maintenue derrière. Voilà. Et avec le houloussi, il y en a deux. Donc je peux changer, en fait, mes bourdons. D'accord. Voilà. Donc il y a quoi? Il y a un petit clapet pour arrêter ou comment ça se passe? En fait, il y a effectivement, j'en bouche un. Donc les tuyaux, ils sont en bambou, hein. Mm-hmm. Voilà. Et j'en bouche un. Et ça fait complètement différent. Ouais. Ah ouais, c'est original. C'est vrai que ce son-là, ça nous rappelle un peu la cornemuse, puisque c'est le son qu'on connaît, nous, plus en Europe. Mais donc, c'est une flûte qui vient de Chine. Tout à fait. Et là-bas, ils l'utilisent pour les musiques traditionnelles, je suppose. Oui, bon, après, et après, c'est pareil, quand on parle de la Chine, pour nous, Français, c'est un continent, hein, c'est immense. Tout à fait. Donc, et puis après, il y a forcément plein de musiques différentes, suivant l'endroit, etc. Bah, comme chez nous, déjà, tu vas dans différentes régions de France, il y a différentes musiques, traditionnelles de, dans les différentes régions, donc là-bas, c'est pareil. Là-bas, c'est encore plus d'espace, donc encore plus de différences. Très bien. Ben voilà, tu sais de quelle région c'est à peu près, non? Ou non, c'est de Chine, non, mais bon. C'est de Chine, on en trouve un peu partout maintenant, hein, en Chine, hein, avec la mondialisation. Mmh. On n'en trouve pas qu'en Chine, puisque j'en ai une en France. Voilà, et justement, en France, on a possibilité de trouver des facilement ces flûtes-là, ou c'est compliqué? Alors, pour tout dire, moi, je l'ai fait venir de Chine. Ah ouais, carrément. Après, je pense qu'en France, on trouve de tout, mais après, ça dépend de la qualité. Mmh. Voilà, mais je sais pas trop. Je pense qu'il doit y avoir des sur Paris, il doit y avoir des magasins de musique chinoise qui en vendent. Mmh. D'accord. Enfin, donc c'est vraiment un instrument particulier. Alors si jamais tu l'as fait tomber, il faut la réparer en France. On va pas parler de malheur. Non, mais j'imagine parce que voilà qu'on a une pièce comme ça qui est pratiquement unique ici en Europe. C'est un petit peu la question qu'on se pose. Il faut en prendre soin. Donc tu as un étui dans lequel tu l'arranges. Et voilà, si tu en prends soin, il y a pas de souci. Hein. Normalement, non. Moi, je vois des musiciens qui des fois ils ont des guitares qui coûtent très cher. Ils les apportent ici dans les studios pour jouer et à la fin ils en prennent soin, ils les remettent dans les tuyaux, etc. Donc on voit, bon voilà, c'est quelque chose de magique quand même, les instruments, c'est quelque chose qu'on veut garder, on y tient, on s'attache, voilà, c'est quelque chose de... Moi je vois des fois des musiciens, ouais je vends tel truc et tout ça, je dis ouais mais ils sont pas attachés à cet instrument là, moi je vois ça un peu comme ça. Bon, moi je suis pas musicien, donc je suis attaché à rien du tout, mais mais c'est vrai que si j'ai des instruments à la maison, même si j'en joue pas, mais ces instruments là ils font partie de la famille, ils font partie de la maison, quoi. C'est... Donc j'imagine que pour un musicien, on s'y attache aussi. Voilà. Très bien, donc il faut en prendre soin, prends-en soin. Et puis, donc pour les prochains albums, et peut-être de la cornemuse aussi. Et de la bombarde. C'est pas moi qui dis ça, c'est Albino. Hein. T'as essayé la bombarde aussi, non? Non, j'ai pas essayé la bombarde. Parce que ça bombarde, hein, je peux te dire. Moi, je connais quelqu'un qui en jouait, et il pouvait pas en jouer chez lui. Donc il était obligé d'aller au bord de la Loire, dans un endroit désert, et on entendait au loin une bombarde. Tiens, c'est bizarre. Bah c'était lui qui s'entraînait parce que ça fait énormément de bruit. Voilà. Ouais, mais c'est pas des instruments qui ont été prévus pour jouer à l'intérieur normalement. Oui, déjà oui. Des cornemuses, on en a eu dans les studios. Tu connais sûrement le groupe Éphémère aussi, qui a une cornemuse, mais c'est une cornemuse. C'est pas une écossaise, c'est une cornemuse de la région. Hein. Mmh. Il faut savoir que avant, même ici dans le Loiret, il y avait des cornemuses. Hein, Les cornemuses du centre. Ouais. Du centre, ouais. Elles tout sont à fait, moins sonores effectivement. Les grandes cornemuses écossaises. Écossaises, je crois que c'est les plus puissantes. Hein. Je crois que c'est à l'origine, c'est quand même aussi des instruments de guerre qui étaient là aussi pour impressionner les ennemis en disant voilà, on est nombreux, on arrive. Alors qu'en vérité, ils étaient peut-être pas aussi nombreux que ça. Mais enfin, ça impressionne. Hein. C'est vrai que c'est des. Mais ils ont fait des versions d'intérieur. Hein. Il y a le small pipe qui est une cornemuse de salon écossaise. Et après, il y a le Yulon pipe qui est un instrument irlandais qui a beaucoup plus de possibilités parce qu'il a beaucoup plus de tubes et donc on peut moduler. Mais qui est pareil, qui est une cornemuse qui est beaucoup moins sonore. D'accord, bah tu vois, il y a plein de choses comme ça, on n'imagine pas parce que on pense une cornemuse, voilà, il y a des tuyaux, il y a un sac, on souffle dedans, mais effectivement, il y a plein de variantes. Hein. Moi, je connais un peu les variantes aussi qui existent au Portugal et en Espagne, la gaita gallega. Et il y a aussi la gaita mirandesa au Portugal. Donc il y en a plusieurs versions, déjà qui sonnent pas exactement pareil. Il y en a qui ont des bourdons, d'autres qui en ont pas, d'autres qui en ont plusieurs. Et d'autres qui sont plus mélodiques, d'autres qui sont plus percutantes. Il y a plein de choses différentes. Mais bon, moi je sais que c'est un instrument que j'aime bien écouter aussi. Donc voilà. Et on en parle, mais c'est pas ta spécialité pour l'instant. Elle va travailler, elle va sortir de l'émission, Aude, et elle va dire je vais m'intéresser, la prochaine fois j'irai avec une cornemuse. On va faire un pari. Voilà, donc là tu nous as présenté cet instrument, donc flûte avec une caisse de résonance. Non, c'est pas une caisse de résonance. On peut dire une caisse de résonance, oui. Oui, ça contribue au son de toute manière. Et donc il y a trois tubes, il y a deux bourdons et donc et une flûte. Et il y a un nom particulier pour cette flûte-là. Ça s'appelle un houlousi. Ok, d'accord. Roulesi. H-U-L-U-S-I. D'accord, très bien. Bah, c'est bon à savoir pour les gens qui sont intéressés. Voilà, il peut y avoir des gens qui ont apprécié l'instrument, qui vont peut-être taper ça sur Internet pour essayer de trouver justement des chansons interprétées avec ces instruments-là. Voilà, ça permet aussi de faire découvrir des instruments aux auditeurs. On l'écoute donc ce morceau-là qui s'appelle Salam. Voilà. Oui. Voilà, on écoute tout de suite Oniris avec le morceau qui s'appelle Salam. Thank you. Voilà, vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et ce soir nous recevons dans cette édition numéro 682 le projet Oniris, et Aude est là pour nous parler de ce nouvel album qui s'appelle... Infinite Escape. Infinite Escape, voilà. Je vais finir par le mettre dans la tête, hein, mais c'est tellement mieux quand tu le dis en anglais que moi, donc c'est pour ça, c'est beaucoup plus sonore. Voilà, on est dans cette émission-là pour découvrir donc cet album-là. Cet album vient de sortir aujourd'hui même sur toutes les plateformes, donc vous tapez Oniris et vous pouvez réécouter les morceaux qu'on vous diffuse. On vient de diffuser un morceau qui s'appelle Salam et on a pu écouter. Moi j'ai fait plus attention aux effets, aux flûtes. Donc il y a plusieurs flûtes. Il y a trois flûtes différentes. Ah ouais, d'accord. il y a la flûte gourde au début, mm-hmm, qui fait une petite introduction là dans le désert arabe. Mm-hmm. On avait des débats avec notre ingé son qui mettait une énorme réverb et qui disait bah oui mais non mais il faut que les gens ils voient le désert. J'étais là oui d'accord mais un désert un peu plus petit quand même. Ouais, parce que c'est vraiment très très très large et puis ouais, parce que la réverbération suivant beaucoup plus large au début. D'accord, c'est vrai que plus une pièce est grande et plus ça met de temps à revenir, donc la réverbération et ça peut se doser et puis on peut tout avoir une taille d'une pièce très grande ou une pièce très petite. Suivant le délai qu'on met sur la réverb. Et donc, le désert, c'est immense. Tout à fait. C'est pour ça qu'on avait des débats. Mm-hmm. Parce que bon, c'est bien, on enregistre l'album, mais après, faut, là, il y a le travail avec l'ingé son. Mm-hmm. Et des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Bah oui, après, c'est aussi une discussion. Hein. C'est vrai que les ingé sons, ils ont aussi des idées qui peuvent, contribuer, ils peuvent améliorer certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et inversement, des fois, ça dénature un peu. Donc, c'est à vous de dire non, là, on va trop loin. On revient un petit peu sur ce qu'on sait faire, etc. Donc voilà, c'est un dialogue. Hein, et il faut bien s'entendre avec. Il fait partie du projet de toute manière. Voilà, il est à part entière dans le truc. Hein, les sons, toute la spatialisation, c'est lui qui fait ça. Hein. Mm-hmm. Donc il y a la flûte gourde et après il y a de la flûte alto. Okay. Dans les graves. Donc il y a une flûte qui est déjà plus grave que la flûte traversière. Et en plus là il y a l'octaveur. Et après il y a la flûte traversière dessus avec aussi un effet chorus. Et comment ça se passe au niveau de la... Comment vous faites parce que là tu joues plusieurs flûtes, mais tu les joues pas tous au même temps. Des loopers avec Thomas. D'accord. On travaille beaucoup avec des boucles. Du coup là j'enregistre deux boucles de flûte alto avec l'octaveur qui tourne, que des fois j'arrête par moment et après je prends ma flûte et je joue par-dessus. Très bien. Donc j'imagine aussi au niveau de l'enregistrement en studio. Alors ça s'est passé où l'enregistrement studio? Alors là on a chacun un home studio avec Thomas. D'accord, donc c'est beaucoup mieux quand vous avez c'est le matériel à la maison. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait le dernier EP on l'avait enregistré en studio. Et la problématique, c'est les micros, comme la flûte, c'est un instrument qui a du son direct, ou même les voix. La problématique, c'est que, par exemple, la batterie, elle repassait dans les micros de flûte. Ah oui. Malgré le fait que il soit entouré de matériel. Ouais, ils mettent des plaques, tout ça, voilà, pour isoler le son. Et du pour coup, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses, hein, pas que la batterie, mais il y a plein de choses en fait qu'on gère moins bien quand on est en studio avec ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup d'effets. C'est pareil pour les empilades de voix. T'as vu au début, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 voix différentes qui s'empilent les unes sur les autres, qui font en fait comme s'il y avait un chœur qui chantait. Et ça, du coup, c'est plus facile à enregistrer chez moi dans mon studio. D'accord. Et en plus, tu es habitué, quand t'es dans ton studio à toi, t'es habitué à l'acoustique du studio. C'est là que tu crées tes sons et tout ça. Donc, quand tu les enregistres, tu es dans les mêmes conditions que quand tu les as créés. Exactement. Donc, c'est une facilité. Tout à fait. Et après, quand vous allez jouer, par exemple, sur une scène, là, c'est complètement différent parce que là, il y a la résonance de la scène, il y a la capture du son qui se fait, au moment précis où vous jouez, ça doit sortir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir notre ingé son, voilà, qui connaît le projet qui peut en fait gérer les EQ pour enlever des fréquences qu'il sait qu'ils vont partir, ou gérer la réverb en fonction de la taille de la salle. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Il va mettre aussi éventuellement un gate pour qu'il y a tel bruit qui passe pas, enfin voilà. D'accord. Donc un gate, c'est une porte de bruit, hein, on appelle ça en français. Souvent, c'est le terme anglais. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, bon, ça s'arrête complètement pour éviter justement les petits bruits parasites qu'il peut y avoir pour qu'un silence soit vraiment un silence. Parce que des fois, dans les configurations de scène, bah, le silence n'est pas vraiment un silence. Et on entend des bruits, on entend des ronflements de certains amplis. Voilà, un gate, ça sert à ça. Donc très bien, comme ça on explique ça un petit peu aux gens aussi. Voilà, il y a toute une technique. Hein. Donc toi, tu étais un petit peu technicienne aussi, puisque par la force des choses, les musiciens aujourd'hui doivent connaître un petit peu, tu nous as parlé des pédales, les effets qu'on utilise dessus, le technicien qui lui va retoucher, tu sais à quoi t'attendre quand il te parle par exemple de tel ou tel effet, ce qu'il va apporter, etc., si ça sonne bien ou si ça sonne pas bien. Donc voilà, donc tu es un peu technicienne aussi. En fait, j'ai mon projet solo qui existe sur internet et je fais deux vidéos par semaine. Oui. J'ai aussi des compos à moi que je sors, et en fait je me suis formée il y a 2 ans. J'ai fait une formation de mixage. D'accord. Avec mon ingé son. Mmh. Du coup, sur mon matériel. Effectivement, aujourd'hui, je sais m'enregistrer. Je sais tout ce que je sors, en fait, hormis ce qui sort sur les plateformes, en mon nom propre. Ce qui sort sur YouTube, les vidéos que je fais, c'est moi qui fais les mix. D'accord. Je fais appel à Lamine, par contre, sur tout ce qui va sortir sur les plateformes, tout ce qui est un peu officiel. Mais comme je fais des shorts, j'en fais 2 par semaine, et que j'enregistre toutes les pistes. Du coup, je fais les mix moi-même. D'accord, ok. Donc jusqu'à un certain niveau, c'est toi qui le fais toute seule. Et après, quand tu veux passer sur quelque chose de professionnel, d'officiel, de professionnel, là, tu te fais accompagner par Amine. Voilà. Voilà, Lamine. Et des fois, il m'aide aussi sur des instruments, parce que moi, forcément, sur mon projet, c'est que des flûtes ou des voix ou des percussions, des claviers, des fois, des choses comme ça. Mais là, par exemple, hier, j'ai sorti une cover avec un invité qui jouait du bodhrane et du tom bass en Bretagne. Et alors, j'ai eu besoin d'aide parce que tous ces instruments-là, par exemple, pour les faire ressortir sur le téléphone, c'est du boulot. Parce qu'en fait, le téléphone, étant donné qu'il coupe toutes les fréquences basses, tu vois un percussionniste jouer, mais t'entends que des claques aiguës. Ouais, parce que tous les graves, ils sortent pas. Donc j'ai demandé de l'aide à Lamine, par exemple, sur ce genre de choses. Ouais, parce qu'il y a des gens qui écoutent la musique sur un téléphone. Et oui, il y a des gens qui écoutent la musique sur un téléphone. On va pas en parler ce soir, parce qu'on parle pas des sujets qui fâchent. Mais non, mais il faut savoir que le téléphone, aujourd'hui, tout le monde l'a sur soi. Et des fois, on n'est pas toujours équipé pour écouter les choses dans les bonnes conditions. Tout donc, à fait. Je conseille aux gens, quand ils peuvent, chez eux, de passer sur une vraie chaîne Hi-Fi ou des vrais haut-parleurs ou un casque, tout simplement. Mais il y a des fois, les gens découvrent comme ça en cherchant un petit peu. Ils tombent sur des vidéos où il y a un son, et il faut qu'ils le perçoivent quand même que ça leur donne envie d'aller le découvrir après, peut-être plus tard, dans les meilleures conditions. Et donc, il faut que ça passe quand même dans un téléphone, quoi. Là, c'est pareil, là. Pour le projet Oniris. Si tu écoutes sur un téléphone, Lamine, il a fait en sorte que tu entendes quand même les basses ou des choses comme ça, parce que sinon, sur le téléphone, toutes ces fréquences-là, elles sont coupées. Bah oui, tout donc à fait. Donc c'est un vrai boulot et qu'on peut pas voir, parce qu'autant les effets, comme tu disais, on les entend, donc on sait qu'il y a le travail de spatialisation, d'effets, des cues, de gate, de toutes les effets dont on a parlé, mais en fait, ce travail-là de faire ressortir certaines fréquences sur le téléphone ou d'en couper d'autres, parce que c'est pareil, hein, les flûtes, on va pas se mentir, c'est un instrument qui est aigu. Lamine, tu seras le premier à te dire que des fois il y a des notes qui piquent la tête, qui piquent les oreilles. Donc son boulot aussi, c'est de faire en sorte que de les adoucir. Ça sort sur la flûte, que ça explose pas les oreilles des gens. Ouais, c'est vrai qu'on pense pas à toutes ces choses-là, mais c'est très important, puisque aujourd'hui, ça évolue, les gens n'écoutent pas forcément ça toujours dans des bonnes conditions, donc le téléphone, les ordinateurs portables, ils ont des sons différents, et il faut essayer de satisfaire tout le monde, quoi. Voilà, donc bon, à la radio, ça passe bien, c'est ça l'avantage, et puis qu'on l'écoute, moi, ici, dans le studio, on l'écoute avec des bonnes conditions, donc au casque, et ça passe très très bien, c'est super agréable, mais moi, je sais que je m'arrête rarement au téléphone, hein. Donc téléphone, c'est vraiment pour découvrir, mais j'écoute rarement un morceau entier au téléphone, c'est vraiment pour me donner une idée, et après dès que j'ai la possibilité, je l'écoute dans des meilleures conditions. Voilà, très bien. Alors l'enregistrement, il s'est passé de l'album, il s'est passé sur combien de temps? Sur quelques mois quand même, parce que il fallait en fait, on compose ensemble avec Thomas. Et il y a toujours un qui est à l'idée, qui a l'initiative d'un morceau. Qui a l'idée. D'accord. Donc, soit Thomas, il a les basses, les drums. Et moi, je rajoute les flûtes, tout ça. Soit c'est l'inverse. C'est moi qui ai une mélodie de flûte et Thomas, il fait ce qu'il y a en dessous. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y en a un qui amène quelque chose et puis l'autre il complète. Exactement. Il co-compose parce qu'en fait le morceau il est complet quand on a chacun apporté notre partie, nos parties, parce que comme on est multi-instrumentistes tous les deux, bah il y a plusieurs choses en fait. C'est pas juste un clavier et une flûte, c'est des flûtes, des claviers, de la batterie, des basses, voilà, il y a plein de choses, plein d'effets, des samples, voilà. Donc on imagine, c'est effectivement très compliqué. Bah, c'est de la musique, comme tu l'as dit au départ, effectivement il y a des instruments qui sont acoustiques, mais c'est quand même une musique électronique à la base. Il y a quand même beaucoup d'électronique, beaucoup d'effets, beaucoup de samples, parce que tout n'est pas joué en même temps. Donc voilà, c'est toute une complication dans la tête. Hein. Il faut réussir à vous mettre déjà à concevoir les morceaux, savoir comment vous allez les réaliser, c'est assez compliqué quand même. Hein. Ouais, voilà. Puis ils évoluent. Mmh. Au début, en fait, au tout début du projet, on avait tendance à avoir une boucle qui tourne, et en fait on fait tourner le morceau et on se fait un signe à la fin pour arrêter. D'accord. Ce qui fait que les morceaux pouvaient varier en termes de durée. Là du coup avec l'album, on s'est dit bah ce serait bien qu'on time un peu nos morceaux. Alors en live certains sont plus longs, parce que là sur l'album c'est facile, il y a une flûte qui s'arrête, il y en a une autre qui commence. Mm-hmm. Mais en live je suis obligée de poser la flûte, de prendre l'autre, etc. Ouais. Donc il y a un laps de temps. Voilà. Donc forcément si le morceau il fait la même durée, bah il y a pas beaucoup tous les thèmes. Ouais, et puis il y a qu'une flûtiste, hein, il y en a pas deux, donc parce que des fois on voit les guitaristes qui se répondent l'un à l'autre, mais oui. Quand il y en a un tout seul, bah il peut pas. Et là donc pour la flûte c'est pareil, donc quand tu poses une flûte, finalement vous faites une ou deux phrases musicales, le temps de prendre l'autre flûte et de recontinuer. Voilà. On imagine il y a des morceaux qui sont adaptés pour le studio. Et après, les mêmes morceaux peuvent être adaptés aussi pour la scène, parce que il y a quand même des choses techniques qui sont pas exactement identiques. Très bien. On continue à découvrir cet album. Allons-y. Donc, j'ai pris une liberté. Hein, je sais pas si c'est dans le bon ordre ou pas. Le prochain morceau, c'est on va voyager dans le cosmos. D'accord. D'accord. Donc, c'est le bouquet final, Cosmos. Ah, c'est le dernier. Bah, c'est le dernier de l'album. Mais de toute façon, on n'a rien écouté dans l'ordre, là. Donc, ouais, bah, justement, oui, c'est pour ça, c'était au fil des discussions, on s'est dit, tiens, et puis, des fois, on se disait, tiens, je cale tel morceau. Là, comme on n'avait rien dit, je me suis dit, j'en mets un. Est-ce que ce sera le bon ou pas? On continue ou? Ouais, on continue. Cosmos, c'est celui qu'on a choisi pour faire notre clip. D'accord. Clip qui est sorti, du coup, il y a un mois, puisqu'il est sorti début mars, je sais plus, le 8 ou le 9 mars, quelque chose comme ça. Et voilà, qui mélange des images en fait prises dans nos différentes résidences, et puis des petits délires. Voilà, à un moment donné, il y avait une balançoire où on était, allez, roule ma poule. D'accord, donc ça s'est fait sur le moment, vous avez vu des balançoires. Faut pas faire projet musical ou projet de vidéo avec moi. D'accord. J'ai toujours des idées à la con. Et je demande à Thomas. C'est ça l'originalité aussi, hein. Ouais, mais tu vois, je dis à Thomas, regarde, il y a des balançoires, viens, on va se filmer sur les balançoires. Et après, je saute et Thomas, il fait, mais moi, j'ai jamais sauté. Je fais, vas-y, c'est facile. D'accord. Donc, toi, t'as eu de l'expérience de ce côté-là et Thomas, pas du tout. Pas de la balançoire, non. Pas de la balançoire. Mais voilà, des trucs genre, attends, joue, je te filme en, comme ça, là, d'avant en arrière pour faire un effet. Parce qu'on n'a pas de, c'est pas des effets, c'est des effets manuels. Ouais, donc le travelling faisait ça. Comme ça, c'était une balançoire. C'est ouais. Ça, c'est le travelling made in Aude. D'accord, très bien. Bah, ce que je vais faire, on va écouter le morceau et pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver le clip, comme ça je le partage sur le Facebook de l'émission Mavrika. Avec plaisir. Allez, c'est parti, on écoute le morceau Cosmos, le groupe Oniris. Thank you. Voilà, on vient avec la petite musique de fond qui nous indique qu'on retourne au studio. On vient d'écouter deux morceaux à la suite, hein. On n'écoute pas un, mais deux. Donc, on a écouté Oniris avec Cosmos. Et juste après, donc, ça nous a changé complètement, hein. C'était beaucoup plus dynamique. C'était le groupe Prisma avec Freedom of War. Tout ça pour vous dire que demain, il y aura donc le Creekfest numéro 5. Ça se passe à Cléry-Saint-André. Donc, il y aura quatre groupes sur la scène. Il y aura un groupe italien qui s'appelle DGM. Il y aura Amon City. C'est un groupe de la région orléanaise. C'est pas celui-là. Amon City, c'est un groupe de français de metal prog, voilà, c'est écrit en tout petit, c'est pour ça que je me suis trompé. C'est Epitude, le groupe de la région orléanaise, donc un groupe de rock prog. Et à l'instant, c'était le groupe Prisma du hard mélodique. Donc ces quatre groupes-là seront à Cléry-Saint-André dans la salle. Je suis en train de chercher, je pense que c'est l'espace Loire, ça s'appelle comme ça. C'est un rue du stade, donc de toute façon, quand vous arriverez à Cléry, vous verrez les panneaux qui vous indiqueront pour le Creek for Zik. C'est l'association qui organise ce concert, et le concert s'appelle le Creek Fest, et c'est la 5e édition. Donc rendez-vous demain à partir de, c'est pas grave, allez-y pas trop tard. C'est ce que je vous conseille, je dirais à peu près dans les 19h30, allez-y. En même temps, il va falloir choisir aussi Alex Lebay, qui sort son nouvel album et qui sera lui à la MAM. Donc c'est un concert gratuit, vous pouvez y aller. C'est le soir aussi, donc nous on passera faire un petit coucou à Alex avant d'aller au Creekfest, parce que c'était prévu aussi déjà depuis pas mal de temps. Malheureusement, on pourra pas assister aux deux concerts en même temps, donc c'est bien dommage, mais c'est à vous de faire le choix. Et suivant aussi le fait que ce soit éloigné, par exemple, si vous êtes plus près de l'un, vous allez voir l'un, si c'est plus loin. Aujourd'hui, il faut penser aussi à la consommation, parce qu'avec le pétrole qui augmente, et ben il y a forcément des conséquences aussi dans la vie de tous les jours. Enfin bon, voilà, si demain vous avez envie de sortir, n'hésitez pas à aller voir donc les concerts. Alex Lebay à la MAM, le Creekfest à Cléry-Saint-André. Voilà pour mes petites annonces qui me sont venues. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez aller chercher aussi sur internet, mais sortez, c'est important d'aller encourager les groupes de la région. Voilà. Donc Aude, est-ce que tu vas souvent toi aussi au concert? J'essaye. T'essayes? Après, c'est pas toujours simple parce que je travaille beaucoup en soirée. Ouais. Et quand je suis pas moi-même en concert, j'essaye d'être avec mes enfants. Voilà, non mais c'est ça, il y a toute une vie à gérer, hein. Un musicien, c'est pas seulement monter sur scène et puis jouer, non, il y a tout le travail à la maison, il y a aussi tu te produis aussi, donc forcément c'est souvent en même temps que les autres. Ben oui, c'est donc, ça. Donc voilà, donc les samedis, les week-ends et tout ça, tu es en concert. Est-ce qu'il y a des concerts qui vont avoir lieu dans les jours, dans les semaines qui viennent? Pas dans le 45. Là, avec Blondou Rousse, on part en tournée dans la région. Là, la semaine prochaine, on va jouer tous les jours. Mais on joue dans le 18, dans le 36, dans le 37, mais pas dans le 45. D'accord, donc il faudra avoir un peu de patience. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de vous voir. Non, c'était Celtic Rock. Tu nous as pas vu avec Blondou Rousse. Ah non, avec Blondou Rousse, non, ouais. C'est vrai. C'était Celtic Rock. Oui, c'est pas la même chose déjà. Celtic Rock, eh bien, aujourd'hui, c'est sorti, donc je peux le dire. On va jouer le 6 juin pour les 40 ans de musique équilibre. D'accord, super. On joue, on fait une belle soirée avec Orpheum Black et Nesseria. Ouais, donc des bons groupes, quoi. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. C'est... Donc la billetterie sera en ligne à partir du 15 avril sur le site de Musique Équilibre. D'accord. Donc voilà, ça va être la grosse fiesta au 108. 250 billets seront en vente, donc il faut... Ouais, donc il faut pas louper l'occasion. Il faut pas louper le coche, voilà. Donc il y aura plusieurs styles différents, puisque tu nous as cité Orphan Black. Non, en fait, on joue les uns à la suite des autres. Oui, mais il y aura... Ah oui, donc c'est pas les... Si, c'est les... Tout est au 108. Le 5 juin, ce sera à l'Argonaute, puisque du coup, on fait deux jours de concert pour les 40 ans. Et à l'Argonaute, il y aura tout simplement guitare avec Franck Salé et Thierry Brossard. D'accord. Et Milena, un duo avec Vincent Viala, et Amrat Hussein, un percussionniste indien. D'accord, bah plein de choses différentes. Donc sortez, allez encourager les. Voilà. En plus, tu nous as cité plein de grands noms de la musique orléanaise. Voilà. Et d'ailleurs, hein, il y en a qui viennent d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est des artistes qu'on suit nous aussi et qu'on apprécie beaucoup. Et pour ceux qui les connaissent pas, bah justement, c'est l'occasion d'aller les découvrir en concert. Donc c'est le 5 et 6 juin. 5 et 6 juin. Argonautes et Saint-Huit-Rue de Bourgogne, voilà. Très et bien. Sinon, pour Blondourou, si tu veux venir nous découvrir, on joue au kiosque du Belle-Neuf le 2 mai. On fait un bal folk. Je serai très loin, je ne pourrais pas aller. Je serai très loin, je serai à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Mais écoute, j'en profite hein, pour les autres groupes. Mais pour les autres, et c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'émission Mavrica, hein, vous pouvez sortir. Justement, c'est la seule raison pour laquelle j'excuse les gens de ne pas écouter l'émission, c'est... Ils étaient en concert, donc ils n'ont pas pu écouter l'émission. Eh ben là, c'est une bonne excuse. Par contre, il y a aussi la séance de rattrapage, puisqu'il y a le podcast qui est fait par notre ami Florent, qui nous poste assez régulièrement, systématiquement, après chaque émission. Et je le partage aussi. Donc, si vous avez loupé l'émission, vous pouvez le réécouter plus tard. Donc, il y a toujours cette séance de rattrapage grâce à notre ami Florent. Donc, et on le remercie pour tout le travail qu'il fait. Et voilà, comme ça, vous pouvez sortir tranquillement, même le vendredi. L'histoire, il n'y a pas de souci. Il n'y a que moi qui, des fois, on m'invite pour aller le vendredi soir à un concert, et je sais qu'il y en a assez régulièrement. Et je dis, ben non, moi, je fais une émission, et là, il faut vraiment que j'y sois, quoi. Donc, surtout que j'ai des invités, donc je ne vais pas le dire au dernier moment, ben non, venez pas, parce que moi, je vais aller à un concert. Vrai. Après, il te reste le samedi pour sortir. Le samedi, oui, le jeudi aussi. Parce que je me souviens quand tu étais venu nous voir avec Celtic Rock, c'était un jeudi. Oui, c'était un jeudi, ouais. C'était les jeudis jazz. Ouais. Avec notre ami Johan. Johan qui organise ça et qui s'occupe là, il faisait un truc aussi avec l'école de musique cet après-midi à l'espace Bérère. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour la musique et qui organise régulièrement des concerts et il s'occupe beaucoup de la culture à la Chapelle Saint-Mémin. Donc il organise pas mal de choses à la Chapelle Saint-Mémin, donc dans des salles et il fait venir des groupes de jazz et pas que. Et s'occupe aussi de la guinguette pendant l'été. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller aussi au bord de la Loire. Donc c'est un endroit super sympa et il a réussi à habituer les gens à y aller parce qu'au début il y en avait pas tant que ça et puis finalement à la fin c'était blindé. C'est-à-dire qu'il a habitué les gens à sortir pour voir d'autres musiciens et puis manger et puis partager des moments ensemble. Donc voilà, en tout cas bravo à lui pour tout son travail. Voilà. Donc très bien, donc le 2 mai ça sera Blondourous Trio au kiosque du Belle-Neuf. Au kiosque du Belle-Neuf. Après, sinon, je joue dans un autre groupe qui s'appelle Iskandar. D'accord. qui fait plutôt de la musique traditionnelle imaginaire, donc c'est un peu difficile à cerner, mais oud, contrebasse et flûte. Donc voilà, des couleurs plutôt méditerranéennes. Et on sera le 23 mai à la guinguette de Boulay-les-Barres. D'accord, à la guinguette de Boulay-les-Barres. Très bien, je connais bien cet endroit-là. Très bien. Donc voilà pour les dates. Il y en a d'autres annoncées, non ? Pas dans le coin, en fait. Après, si les gens ils n'ont pas retenu, ils n'ont pas eu le temps de noter, est-ce qu'on peut les retrouver, ces dates-là ? Sur mon site, il y a toutes les dates dans les groupes avec lesquels je joue. Dans la rubrique agenda, c'est hautepriore.fr, c'est assez simple. Et dans la rubrique agenda, il y a tous les lieux où je joue avec les groupes, les D'accord. sorties d'albums, de CD, de voilà, parce que je ne sors pas que des choses avec Oniris. Oui, voilà. Moi, je sais que tu fais plein de projets en même temps. Tu fais des choses toute seule, tu fais des choses avec d'autres artistes et avec des styles différents, des projets différents. Et voilà, c'est enrichissant et les gens qui te suivent savent que, tiens, tout à l'heure on a reçu Hervé qui ne te connaissait pas personnellement mais qui avait déjà entendu parler de toi, qui t'avait déjà vu sur des vidéos, etc., que tu partages régulièrement. Donc effectivement tu as plusieurs projets, donc ça s'appelle hautepriore.fr. oui, ça c'est ça. Le nom de mon site. D'accord, très bien. Donc et après il y a les réseaux sociaux aussi. Oui. On peut te retrouver sur Facebook. En fait chaque groupe a ses réseaux sociaux. Ou presque. Hein, Oniris, Celtic Rock, Blondourous sont sur Facebook. Et après, Iskandar, c'est un projet qui est porté par François Rascal de la compagnie Uwe Masulis. Donc, on retrouve plutôt là sur sa compagnie les informations. Voilà. Très bien, donc voilà, c'est noté. Je vais aussi, pendant qu'on en verra un morceau, alors tout à l'heure je me suis mis à jour aussi du programme, hein, parce que depuis le début, on passe des morceaux, et je dis tiens, je suis pas à jour, donc j'espère que je me suis pas trompé dans l'ordre. Bon, je pense qu'on va le revérifier tout à l'heure. On a mis tous les morceaux qu'on a diffusés. On va continuer à diffuser... J'ai prévu le morceau Native, je sais pas si il te correspond bien. Si, mais dans du la coup, suite. Je vais peut-être présenter. D'accord. Voilà. Engin. Oh là, c'est quoi c'est? C'est en anglais, ouais. C'est a native flute. Ah ouais. C'est une flûte amérindienne en fait. Ah donc, ouais. Donc c'est une triple flûte. Bon, on dirait un fusil avec trois canons. Oula. Il y a trois canons. Toi, t'es violent, toi. Non, mais là, c'est au lieu de nous sortir des booms, ça nous sort un son plus mélodique, j'imagine. C'est très doux. On va l'écouter. Donc, ouais, c'est effectivement très doux. Et comment ça se passe? C'est comme s'il y avait plusieurs flûtes. En fait, c'est comme s'il y avait trois flûtes. Oui, tout à fait. Mais ouais. Elles sont taillées dans le même bout de bois. Ça, c'est du cèdre aromatique. Donc, d'accord. C'est un luthier américain qui les fabrique, qui s'appelle Cora. Donc, c'est tout comme la flûte chinoise, je l'ai fait venir des États-Unis. Des États-Unis, ouais. Donc. Et c'est un instrument traditionnel ou... C'est un instrument traditionnel amérindien. D'accord. Voilà, ouais, il y a des simples, des doubles et des triples. Ah ouais, je connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est plat. Il y a trois canons, trois fûts. En fait, il y en a une, c'est un bourdon. C'est-à-dire qu'elle a pas de, tu vois, celle-ci, la cheminée de gauche, elle a pas de clé. Donc elle fait une note constante qui est un sol. Il y a la cheminée du milieu qui a six clés. Donc on peut faire plusieurs gammes. Et après, il y a la cheminée de droite où qu'on a encore trois. D'accord. Et tu joues les deux en même temps, c'est... Je joue les trois en même temps, c'est plus joli. Enfin, moi, je préfère en tout cas quand il y a le bourdon. Voilà, le bourdon. Ouais, parce qu'on peut l'enlever aussi, non? Il y a aussi après, un. C'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué. Je peux jouer cheminée par cheminée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas un fût qui se divise, c'est vraiment plusieurs fûts différents. Ça. Ouais. Et après, il y a trois embouchures là, mm-hmm. de l'autre côté. Au milieu, c'est plus dur. Et après, le bourdon. D'accord, c'est magique, hein. Franchement, c'est super agréable en plus. Alors ça, on pourrait le mettre, par exemple, pour des musiques de détente, d'ambiance, etc. Tout à fait. Par exemple, dans les endroits où les gens vont se détendre pour les massages, tout ça, on met de la musique comme ça. Je pense que ça passerait tout à fait bien. D'ailleurs, souvent, ils s'inspirent un petit peu aussi de la musique indienne, etc. Oui. Parce qu'elle est très très agréable à écouter. Voilà, donc une découverte. Et cet instrument-là, on l'entend donc sur le morceau qu'on va écouter. Native, on va dire en anglais. Native, d'accord, très bien. Donc, on va écouter ce morceau-là tout de suite et on se retrouve juste après. On fait comme ça? C'est parti. Thank you. Voilà, on a découvert donc un nouvel instrument, Native, et c'est le nom de ce morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, donc tiré de l'album Escape. Infinite Scale. Oh là là, Infinite Scale. Voilà, oh, je vais y arriver d'ici là. Je vais me le marquer comme ça, Infinite Scale. Voilà. Moi, je le disais à l'envers, donc bon, voilà. Petite complication quand même. Donc, cet album-là vient de sortir aujourd'hui. On peut le retrouver sur toutes les plateformes et on le découvre. Donc, on a déjà écouté, si je ne me trompe pas, 6 morceaux. Donc, ça, c'était le 6e. Il nous en reste encore 2 autres à écouter. On est dans le timing, bien comme il faut. On est dans l'émission Mavrica. On est ensemble jusqu'à 22h. Et donc, on va continuer à découvrir un petit peu cet album-là, à en parler aussi. Donc, on a parlé un petit peu de l'enregistrement, comment ça s'est passé. Donc, vous avez vos studios qui sont chez vous, vous avez chacun votre home studio. Est-ce que vous faites les enregistrements d'un côté, chacun d'un côté, ou les remixez après? Comment ça se passe? Il n'y a pas de règles. En général, il n'y a pas de règles. Ouais. Mais c'est souvent Thomas. De toute manière, nos musiques sont au clic parce qu'avec les loopers, faut pas que ça bouge. D'accord. Donc on est obligé d'être au tempo. C'est pas une musique qui fluctue. Il y a pas de roubato, quoi. Ouais, on imagine bien. Et en plus, la difficulté, c'est que quand vous êtes au clic comme ça, par exemple, quand vous êtes sur une scène, s'il y a la moindre pépin pour retrouver, c'est pas évident. Ça nous est jamais arrivé. Ça peut pas bouger quelque part puisque la MPC. Et les boucles de clavier, elles sont réglées sur le tempo, ou même les boucles de flûte, ça bouge pas en fait. D'accord. Ouais. Donc les boucles et tout ça, ils changent pas. Si vous plantez un petit peu, vous attendez un petit peu, vous reprenez, et puis ça, voilà. Ouais. Personne n'a rien vu. Mais après, il y a beaucoup d'impro hein, dans le groupe, donc. Ah ouais. T'entendras pas les morceaux en concert comme tu les entends sur l'album. Hein. Bah, en même temps, quand on va au concert, on aime bien écouter un petit peu les choses évoluer. Hein, donc, oui. Et puis il y a des phrases. Qui reste, mais le reste, étant donné que c'est très beaucoup improvisé, ce sera jamais pareil. D'accord, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien justement aller voir des groupes. Et des fois, il y a des morceaux de l'album, et des fois, ils les interprètent légèrement différemment. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on va avoir les concerts, parce que si c'est strictement identique au CD, à l'enregistrement en studio, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Hein. C'est bien quand même que ce soit rejoué, réinterprété, réadapté, voilà. Au-delà de ça, tu vas à 2 concerts, c'est pas exactement la même chose. oui, mais il y a aussi, on parlait des machines. Les machines, oui, on peut les calibrer, les régler. Voilà. Elles sont programmées. Mais il y a le facteur humain qui fait qu'il peut y avoir un petit décalage qui va faire son charme. Voilà, une note qui part un peu sur le côté ou je sais pas exactement, mais. Ça nous est jamais arrivé. Vous êtes des pros, vous. Ça nous est jamais arrivé, mais effectivement, étant donné que les boucles, les drums, les basses, elles bougent pas, c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Thomas, après, une fois qu'il a fait des boucles, il fait des claviers ou il fait de la batterie. Et ça, c'est pas du tout gravé dans le marbre, ça change. Oui, ça change les thèmes de flûte, il y a des petits bouts de phrases qui vont revenir, que je vais garder. Mais sinon, ça change, en fait, ça évolue. D'accord. Je pense que la musique est vivante, donc vous avez une musique que vous avez créée, mais elle va évoluer. Est-ce que des fois vous regrettez pas justement de les avoir enregistrés d'une certaine manière et quelques temps après, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous dites tiens, j'aurais plutôt fait comme ça maintenant si c'était à refaire. Et... Si tu vas sur Spotify, il y a 2 salams différents. Il y en a un qu'on a sorti en 2023 ou 2024, je sais plus, et celui qui vient de sortir. Et il avait pas la même tête au début. D'accord, donc vous l'avez fait évoluer, vous avez trouvé que c'était mieux comme ça. Est-ce que des fois, ça peut être une petite erreur qui fait que, tiens, c'est pas mal, j'ai fait comme ça, je me suis trompé de tonalité ou ceci, cela, et finalement, c'est pas trop mal, est-ce qu'on reprendrait pas comme ça ou... Alors, de tonalité, non, mais des fois, oui, ça arrive d'avoir des trucs où tu vois, là, au début de Native, il y a des voix, je fais des... En fait, une fois, j'ai fredonné un truc comme ça, là, et puis en fait on a décidé d'en faire quelque chose, d'avoir du coup une voix qui fredonne au début du morceau, qui fait un peu penser au chant justement au chant des Mongols ou des Amérindiens. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver à plusieurs endroits différents de la planète. Il y a quand même des similitudes des fois. Et effectivement, tu parlais des Indiens, des Mongols. Effectivement, je vois les trucs très graves avec plusieurs voix dessus, les uns sur les autres. Donc vous inspirez de tout ça pour créer votre propre musique. Voilà. Exactement. De toute façon, il y a beaucoup de similitudes dans les musiques traditionnelles du monde entier. En fait, il y a beaucoup de choses. On se rend compte que même si toi, t'as grandi en Afrique, tu fais comme ça. Moi, je viens d'Irlande et je fais comme ça. En fait, ça marche. On arrive à jouer ensemble. Ah bah oui, moi, je pense que oui. C'est un langage international, c'est universel. Mais alors, par contre, ça marche moins bien dans le... Je vais dire quelque chose qui va fâcher. Ça marche moins bien avec le classique. Par exemple, les gens qui sont vraiment... qui ont une formation classique très formatée... C'est plus compliqué d'aller jouer avec des gens qui font des musiques traditionnelles, alors que deux personnes qui font des musiques traditionnelles complètement sans racines communes vont réussir plus facilement à jouer ensemble. Ah oui, j'imagine, parce que effectivement, c'est très formaté, la musique classique. Ouais. Et les gens, par exemple, on sait que dans les musiques traditionnelles, il y a des gens qui n'ont aucune formation, ils l'ont appris à l'oreille. Et donc, c'est quelque chose, et à l'oreille, ils arrivent à s'adapter aussi à d'autres musiques qui viendraient d'autres pays, simplement parce qu'ils travaillent avec leur oreille. Et puis, il n'y a pas que ça. Les musiques traditionnelles sont beaucoup basées soit sur la danse, soit dans la transmission. Par exemple, les fameux chants, des choses comme ça, des fois, c'était des manières de communiquer d'un bout de la forêt à l'autre, ou des fois d'une montagne à une autre. Donc il y avait des vocations qui étaient communes, et on est toujours dans un rapport humain ou dans un rapport au corps, chose qu'on n'a pas avec la musique classique, qu'on a eu à un moment donné, mais à force de décrire, de figer. C'est bien que tu m'expliques, parce que c'est des choses que j'ai jamais pensé, moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des formations musicales. Là, ils apprennent quelque chose. Non, c'est vrai que c'est, on se rend pas compte, hein. Pour nous, la musique, moi, personnellement, la musique, c'est quelque chose, c'est une émotion. Donc, j'analyse pas, je vais pas la déconstruire, je suis pas un musicien. Donc, je vois que les musiciens, des fois, ils ont aussi cette déformation professionnelle, de tout analyser. D'essayer de tout comprendre, alors qu'en vérité, moi, je n'analyse pas. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Je cherche pas si c'est un dièse ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, ça me plaît et ça sonne bien, j'aime bien, voilà, et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un peu le défaut des... Parce que là, on parle de musique classique, en fait. Le classique, c'est un courant dans les musiques dites savantes. C'est vrai que c'est figé, en fait. Les musiques, elles ont été écrites à partir du moment où elles sont sur le papier. Elles sont figées, et malheureusement, des fois, on commence à observer ça sur des musiques traditionnelles qui ont été collectées dans les années 60-70. Et en fait, aujourd'hui, les gens, les puristes, qui pensent qu'en fait, on doit les jouer exactement comme ça, alors qu'en fait, c'est des musiques qui sont vivantes, qui évoluent aussi au croisement d'autres musiques. Si on regarde, par exemple, la country... Ouais. C'est l'arrivée de la musique irlandaise mélangée avec le blues. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc la musique des esclaves qui avaient d'un côté, puis les musiques aussi qui des venaient de l'Europe. Irlandais. Voilà, irlandais, etc. Donc chacun a amené un petit peu sa petite patte, et puis tout a été mélangé. Et c'est ça qui fait la richesse, hein, justement. Mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Moi, je suis une partisane de mélanger les musiques, de mélanger les styles, de mélanger les instruments qui sont des fois improbables. Une fois, j'ai fait un concert avec donc Celtic Rock, et il y a une prof de musique qui a accompagné ses élèves, parce que c'était des concerts. Je ne citerai pas la ville, je ne citerai pas le collège. C'était des concerts pour des collégiens. Donc la salle était remplie, il y avait 500 collégiens, et il y a une prof de musique qui est sortie et qui a été voir l'organisateur et qui a dit. Non mais c'est n'importe quoi de la flûte avec de la batterie. Déjà rien que ça. Ouais. Tu vois, il y a des gens. C'est des gens qui sont fermés. Qui sont fermés, ouais, qui partent de dommage. Très très loin. C'est dommage. Donc du coup, voilà, la musique, c'est comme tu dis, c'est des émotions à la fois pour celui qui écoute et aussi pour celui qui la crée, qui la joue. Parce que ce qui est beau en fait dans les projets où on est à la fois compositeur, auteur, interprète, c'est que on mobilise tout, en fait. On mobilise énormément de parties de notre cerveau. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on mobilise pas la même chose quand on compose, quand on crée, que quand on interprète. D'accord. Et du coup, quand on est sur scène et qu'on joue nos projets qu'on a créés, qu'on a dirigés, en fait, on a plusieurs zones du cerveau qui s'allument. Et en général, on dit que les musiciens ont... Bon, je vais pas rentrer dans... J'allais parler de handicap. Non, en fait... Il y a beaucoup d'enfants qui ont des handicaps comme des 10 ou des choses comme ça. en pratiquant la musique, en fait, ils peuvent réussir à l'âge adulte à avoir un cerveau qui est plus développé qu'un enfant qui avait aucun problème, mais qui n'a pas fait de musique. D'accord. Non, mais j'ai fait une formation sur les 10 et il y avait un neurologue et voilà, ça m'étonne pas du tout. Hein, ça m'étonne pas du tout. Hein. Chaque personne, justement, quand il a un problème quelque part, il va développer autre chose et puis il va pas. Comme il y a des gens, il faut pas croire qu'on est tous formatés, qu'on réfléchit tous de la même manière. Il y a certaines personnes qui servent plus d'une partie du cerveau, d'autres plus d'une autre, et on arrive à faire des choses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau, c'est quelque chose de magique qui se reprogramme sans arrêt. C'est pire qu'un ordinateur. Et par exemple, si quelqu'un a une lésion quelque part, il y a une autre partie du cerveau qui prend le relais, qui recompose. C'est hallucinant. Donc il y a des gens effectivement qui peuvent avoir un handicap et qui ont un blocage quelque part, et en les développant une autre partie du cerveau, ils peuvent très bien passer à côté et améliorer les choses. Je vois par exemple, je connais des gens qui sont dyscalculiques par exemple, et l'association entre un nombre et le chiffre, par exemple le chiffre 5 et 5 éléments, ne se fait pas spontanément. Il passe par des couleurs. Donc il passe, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Le principe il est là, c'est par exemple 5, c'est bleu, et le bleu ça représente le truc, et en passant par autre chose ils y arrivent, c'est plus long mais ils y arrivent, alors que sinon ils n'arrivent pas à faire la transition, tout simplement. Et la musique permet aussi, en passant par d'autres choses, en faisant réfléchir le cerveau différemment, à arriver, aller au bout de certains handicaps, quoi. Donc voilà, faire évoluer les gens. Voilà. Et si en plus tu rajoutes une pratique d'ensemble avec d'autres, ça libère encore plein d'autres choses dans le corps, ça fait résonance de plein de choses. Donc bref, faites de la musique avec d'autres gens. Avec d'autres gens, ouais, voilà. Voilà, amusez-vous plutôt que d'être sur les écrans. Les écrans, c'est bien un petit peu, mais quand vous avez la possibilité entre découvrir un artiste à la radio, c'est bien, mais aller les voir aussi en concert, et c'est bien aussi de découvrir les morceaux sur les albums, etc. Mais aller les voir, aller rencontrer des gens, aller discuter de la musique, c'est un enrichissement. Hein. Bah, y a moins de concerts parce qu'il y a moins de budget, mais aussi parce qu'il y a moins de gens qui se déplacent au concert. Donc les programmateurs, en fait, ils programment moins de choses parce que y a moins de gens qui viennent et qui achètent des billets. Donc c'est un cercle vicieux, en fait. Ouais, et c'est bien dommage parce que nous qui venons d'une génération où on sortait pour justement découvrir des choses, aujourd'hui on a tout à la maison, mais si on ne sort pas, c'est un peu dommage, quoi. On passe à côté de plein de choses, on se rend bien compte, quoi. Voilà, c'est un problème de société. On va peut-être pas lancer le débat parce que sinon, parce qu'il est 21h30, très cher Albino. Si l'émission est censée terminer à 22h, là, si on commence sur ce débat-là. Donc on est ensemble. Alors tout à l'heure, il y a Florent qui nous a dit, vous pouvez dépasser, parce qu'il y a des jours où il peut pas, parce que effectivement, là aujourd'hui, il est pas disponible, mais là aujourd'hui, il a dit, vous pouvez dépasser si vous voulez. Oui, alors moi, Albino, demain matin, je travaille, j'ai cours, je fais l'éveil musical avec des tout petits enfants. Donc j'aimerais bien aller me coucher pas trop tard pour être en forme parce que j'en ai 13 des bambins qui ont 3 ans. Non. Et si je suis fatiguée, ils me sautent dessus et je me fais dépasser. Non, ça n'arrive pas. T'inquiète pas, on va pas développer, on va pas rester jusqu'à 2h du matin comme à une époque dans l'émission Maverica. Aujourd'hui à 22h on termine, on fait des photos, on discute un petit peu et là on a lancé un petit débat, mais bon, après on peut en parler un petit peu comme ça, mais après ça serait peut-être le sujet d'une prochaine émission. Mais bon, dans l'émission Maverica, c'est plutôt musical, donc on va pas rentrer dans ces trucs-là. Par contre, je sais pas si vous avez écouté l'émission hier de Didier. Lui, il attaque plein de sujets différents. La semaine hier, il était pas là, donc il y a eu une bande qui a été faite. Mais il peut très bien traiter justement d'un sujet comme ça. Des fois avec des spécialistes, pourquoi pas. Voilà, peut-être on lui lance une petite perche comme ça. Voilà. Très bien, voilà, donc on est dans l'émission Maverick, hein, on est ensemble encore pour une petite demi-heure, le temps passe très très vite, et on a encore plusieurs morceaux à écouter. On a écouté Native à l'instant, je propose qu'on continue avec un Nature. Alors, est-ce qu'on peut plutôt passer Immortalité? D'accord, moi je me suis dit, tiens, Immortalité, on va peut-être garder pour la fin. Non, mais en termes de dynamique, on va plutôt faire ça. C'est toi, moi, je suis, hein. il y a pas de souci. Donc moi, il suffit que je change le truc, ça y est, il est sur le lecteur. Immortalité, je me suis dit, tiens, on va peut-être... et tu vas nous présenter encore une flûte. Voilà, ah ouais. Une autre flûte. Ah ouais, celle-là, elle est assez longue, elle est en elle deux morceaux. Elle est traversière, celle-ci. Elle est traversière, d'accord. Il y a un... Ah ouais, d'accord. En fait, c'est une flûte chinoise, il y a une membrane. Ok. En roseau. Ah ouais. Qui confère un son particulier. Mais dans nos pays, il fait froid, alors il faut que je la chauffe un peu. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que ce son-là, en plus, on le connaît, parce que c'est un son dans les musiques chinoises. Dans les films. Ouais, on l'entend, ouais, voilà, parce qu'on connaît un petit peu les musiques sans rentrer dans les détails. Mais il y a des choses qui nous font penser à tel ou tel endroit. Et effectivement, ce son-là, je l'ai déjà entendu, même aussi dans des musiques de détente, parce que finalement, la flûte, c'est quand même un instrument qui détend. Ça dépend comment c'est interprété. Et après, c'est pareil, moi, j'étais en train de penser, je dis, mais il suffit pas d'avoir l'instrument de tel endroit pour faire le son de tel endroit. Il y a aussi, tu adaptes avec la musique que tu joues dessus pour chaque instrument et tu vas pas jouer, par exemple, ce que tu as joué là, tu vas pas jouer avec une flûte indienne. Ou peut-être dépend. Si, je sais moi, pas. Moi, tu sais, je suis pour les mélanges. Alors. D'accord, donc c'est au feeling. Je me suis amusée une fois à enregistrer un morceau irlandais avec la flûte gourde chinoise. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'on pense à la flûte irlandaise qui est très aiguë, etc. Mais à la limite, ouais, on pourrait peut-être. Je suis sûr qu'il y a des musiciens irlandais qui sont intéressés aussi à d'autres flûtes de d'autres endroits. Bien sûr. Et il y a eu des mélanges, il y a eu des échanges, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, et on arrive à marier des fois des choses qui sont très éloignées. Et finalement, le fait de les mettre ensemble, il y a une osmose, il y a quelque chose qui se crée et quelque chose de nouveau. En plus, c'est ça qui est formidable. Donc voilà. Tu sais, ça, c'est une flûte japonaise. Ouais. En bambou. Ouais. C'est un Brésilien qui l'a fabriqué. D'accord. Donc. Ouais, parce que ces flûtes-là, mais tu me dis c'est brésilien. Moi, tu me l'aurais montré, j'aurais cru qu'elle était brésilienne justement d'Amérique du Sud. Non, en fait, celle-ci c'est une flûte. Là, regarde, c'est une flûte Shinobu. D'accord. C'est une flûte japonaise. Okay. C'est son petit nom là. Mais je joue dans Night. Mais Night, c'est notre single qui est sorti au mois de décembre, donc tu ne l'as pas. Je te l'ai pas envoyé. D'accord. Sinon, je t'aurais. Voilà. Il me semble que j'ai un Night, mais c'est pas le bon alors. Non, ça doit pas être le bon. Ça doit pas être le bon. Parce que moi, j'ai regardé tout à l'heure, effectivement, j'ai des... Dans les anciens? Ouais, dans les anciens. Ouais, non, c'est pas le même. Du coup, non, c'est pas le bon. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Tout à fait. Donc, on invite les gens à aller découvrir ce morceau-là, alors. Night, c'est la nouvelle version, alors. C'est, oui. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Pas vraiment, non. Non, pas vraiment, d'accord. Ok, donc là, c'est une flûte japonaise fabriquée par un Brésilien. Tout à fait. Quand le Brésilien en joue, par exemple, il le joue à la manière brésilienne ou plutôt japonaise? Non, il n'y a pas de... Les gens qui s'intéressent aux flûtes, ils s'intéressent aussi aux techniques. Et puis après, en fait, je vois aujourd'hui, en jouant de plusieurs flûtes du monde d'endroits différents, qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans les ornementations. D'accord. C'est le son de la flûte qui va faire les choses différemment. Mais les doigts qui glissent, les choses comme ça, tu le retrouves en musique irlandaise, tu le retrouves en musique japonaise... C'est des techniques, en fait, qu'on retrouve beaucoup dans les musiques traditionnelles des différents pays. Ouais, et puis, bon, après, l'humain étant ce qu'il est, on joue avec les doigts, on joue avec la bouche, et il y a des choses qui, finalement, dans les mêmes conditions, on arrive à développer les mêmes techniques. Des techniques, même si on est très éloignés les uns des autres, il y a des techniques qui se retrouvent, simplement, parce qu'on fait jouer l'instrument de la même manière, quoi, quelque part. Très bien, donc c'est on en apprend plein de choses aujourd'hui. Merci Aude en tout cas pour toutes les explications. Donc on va écouter ce morceau-là. Donc ce morceau-là s'appelle les Immortalités. Tout à fait. Donc des fois les noms ils sont en anglais, des fois ils sont en français, des fois ils sont en polonais. C'est un peu comme votre musique, il y a pas de frontières quoi. Exactement, il y a pas de frontières. Très bien, on écoute tout de suite Immortalité, le groupe Oniris. смерти. La immortalidad. Immortalidad. La immortalidad. Otto e Leka. La immortalidad. La immortalidad. De смерти. La immortalidad. Immortalidad. La immortalidad. De смерти. La immortalidad. Immortalidad. La immortalidad. Бессмертие. La immortalidad. Immortalidad. La immortalidad. Otto Elleka. La immortalidad. Voilà, donc l'immortalité, et puis on l'entend en plusieurs langues en plus. Tout à fait. Voilà, donc on l'entend en portugais, brésilien, espagnol. Espagnol, brésilien, ouais. En russe, en russe grec, aussi. D'accord. En français et en anglais. D'accord, donc ça fait plein, c'est international quoi finalement, votre exactement. Musique, on peut l'écouter partout. L'immortalité, et... c'est international, non? Oui, en même temps, voilà. Et là-dedans, voilà. Donc j'utilise au début la flûte chinoise, et à la fin j'utilise une autre flûte qui est une kena, une flûte andine. D'accord. Qui est un peu spéciale parce que c'est une flûte droite devant, ouais. Mais elle a une encoche en fait, on en joue comme la flûte traversière, donc c'est une flûte un peu particulière. D'accord. Ouais, il y a plein de trucs différents. Hein. Comme tout à l'heure, tu nous parlais aussi de des lamelles qui vibrent. Il y en a qui ont des lamelles, d'autres qui en ont pas. Il y a plein de choses différentes, quoi. Tout à fait. C'est un peu comme les hanches, non? Une lamelle, c'est là, c'est une membrane en roseau. D'accord. Qu'il faut que je change d'ailleurs régulièrement parce qu'elle craque et elle s'abîme. Donc quand je fais des concerts, il faut que je la change avant chaque concert. Ouais, et en fait, c'est une membrane toute fine que je découpe, que je. Y a... Ah, c'est toi qui la. Qui c'est le moi fait. Qui la pose, bah d'accord. Oui, parce qu'il faut la changer régulièrement, ah, genre, ouais. Presque au moins toutes les semaines. Ah ouais, donc c'est un matériau un naturel, résine, donc il y a en fait, pas de. Que je trempe dans l'eau, que je mets et je colle ma membrane avec la résine. Et quand elle perce, je l'enlève et j'en change. D'accord, donc en plus tu entretiens tes instruments toi-même et c'est vrai que ça doit pas être évident tout ça parce que. Alors faut même... connaître un petit peu quand même le, ouais. Effectivement le tout ce qui est corps de l'instrument, savoir comment ça fonctionne. Hein. Après les flûtes traversières, c'est le luthier hein, qui les entretient parce qu'avec tous les mécanismes, toutes ah oui, les là, clés. Là, c'est très compliqué. Moi, ça. Je peux me contenter de visser un truc si c'est dévissé ou de menu réglage, mais je touche pas au reste. Hein. Oui, puis il y a des flûtes traditionnelles qui sont fabriquées plus ou moins par les musiciens dans de nombreux pays, mais après il y a aussi d'autres flûtes qui sont beaucoup plus élaborées. Et là, c'est le cas justement. Il faut aller chez des luthiers, des gens qui sont là, qui ont les connaissances, parce qu'il y a de la mécanique. Il y a un tas de choses dans. Bah, tout ce qui est flûte qu'on connaît, nous, en France, en fait, tout ce qui est flûte traversière qu'on connaît, et c'est le système Böhm, les clés qu'il y a dessus, et effectivement, c'est. Alors, ça permet de faire toute la gamme chromatique, chose que sur les flûtes, comme j'ai là, les flûtes ethniques, il n'y a pas de clés, il n'y a pas de réglage, donc en fait, les chromatismes, ils se font avec des demi-trous bouchés. D'accord. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est technique tout ça. Donc ouais, je me souviens qu'il y avait dans les flûtes à bec qu'on apprenait à l'école, il y avait des trous où il y avait deux petits trous, ouais. Et on en bouchait que la moitié, voilà, donc c'est un peu ça, c'est quoi. C'est un peu le même c'est principe. C'est un peu le même principe. Sauf que là la différence c'est que tu le vois la flûte, là, démerde-toi pour trouver le demi-trou quoi. D'accord, j'imagine, ouais. Donc c'est vraiment un instrument il est fait à la main quoi, c'est vraiment des gens qui connaissent et on imagine aussi que pour faire par exemple une flûte comme ça, si on veut qu'elle sonne bien au niveau des trous, il faut pas se tromper quoi. Exactement. Donc il y a un espacement vraiment hyper important, ah ouais. Oui, bah sinon ça fait une note complètement différente. Alors après je sais pas si tu as entendu sur les morceaux là où il y a des flûtes ethniques, on n'est pas sur une justesse parfaite comme un instrument classique. C'est-à-dire qu'on entend des fois qu'il y a, mais c'est ce qui fait la beauté de l'instrument. Bah en oui, fait. Tout à fait, hein. Parce que nous, on a nos gammes occidentales, mais c'est vrai que déjà en Orient, ils ont des quarts de ton, des notes qui modulent. Ils ont des quarts de ton. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que nous, on a des tons et des demi-tons, et ouais. Eux, ils ont des quarts de ton entre les deux. Ouais. Donc, et puis il y a même des notes des fois qui commencent d'une manière et qui la font moduler. Donc voilà, c'est nous, on l'entend tout de suite occidentaux. On voit que c'est une musique justement orientale à cause de ça, parce qu'il y a des tonalités que nous on n'utilise pas. On pourrait les utiliser, mais on le fait pas. Bah là, dans le projet Iskander dont je parlais tout à l'heure, il y a des modes avec des quarts de ton, des choses comme ça. Je me retrouve à faire des quarts de ton à la flûte avec une flûte traversière qui est pas prévue pour. D'accord. Donc c'est uniquement avec la position de l'embouchure que j'arrive à faire les quarts de ton. Et tu vois là, à la maison, j'en ai une autre, j'ai pas prise. C'est une flûte e-jazz. Donc elle a des trous en fait là, et après ils sont là. D'accord. Mais du coup, j'ai des quarts de ton en fait qui sont déjà intégrés dans la flûte sur une des flûtes en bambou que j'ai. D'accord. Mais je l'utilise pas dans Iskander parce que François n'a rien écrit dans cette tonalité-là. D'accord. Bah, mais c'est vrai que c'est. J'imagine les gens. Voilà, l'humanité au début, elle a soufflé dans un roseau. Elle a commencé à s'apercevoir que s'il y avait un trou, le boucher, ça changeait la tonalité, etc. Donc après, c'est beaucoup d'expériences, beaucoup d'expérimentations qui ont été faites tout au long de l'histoire. Et pour arriver aujourd'hui à des instruments très complexes, hein, pour certains, et d'autres qui sont vraiment presque comme à l'origine, qui ont pratiquement pas évolué. J'ai une flûte Peul, c'est une flûte en roseau. Ouais. En fait, elle est bouchée d'un côté par de la cire d'abeille. Et en fait, il y a juste 3 trous au bout. Voilà. D'accord. On l'entendait au début de Cosmos. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai pas pris toutes mes flûtes, hein, sinon... sinon, il aurait fallu amener un semi-remorque, non, c'est ça. Très bien. Et moi, je me souviens quand on était petit, au Portugal, il y avait dans les fêtes, je crois que ça s'est perdu, il y avait des flûtes aussi qu'on avait en terre cuite. Donc, on les faisait tomber qu'une fois. Ben oui. Et souvent, elles duraient rarement plusieurs jours, quoi. Comme les ocarinas, un peu? Non, c'était vraiment des flûtes avec en terre cuite, et on les faisait tomber. Et c'est dommage parce que ces flûtes-là, moi aujourd'hui, ben on voit dans les fêtes, il y a plus rien. Il y a des jouets Made in China, etc. Et c'était un peu dans la tradition. Et c'est dommage parce que c'était des vrais instruments qui étaient faits par des gens. Je sais pas si c'était juste ou pas, moi. Mais nous, quand on faisait beaucoup de bruit avec ça. La justesse est relative. Hein. Ouais. C'est relative en fait à l'éducation que t'as eue, à l'oreille à laquelle tout on t'a fait. Entraîné. Parce qu'en fait, regarde dans la musique baroque, aujourd'hui on parle en 440 Hz ou 442 Hz. Oui. Mais par exemple en musique baroque, on était plutôt en 432 ou dans des fréquences plus basses en fait. C'est une question d'époque et c'est une question de situation géographique, la justesse. Il y a pas de justesse absolue. Ouais, c'est vrai que ça c'était le sujet d'une chronique de Didier, d'ailleurs. Il nous avait expliqué qu'il y avait plusieurs là et que à une époque on utilisait plus l'un, au niveau géographique aussi on utilise des là différents. Alors que moi j'imaginais que le là c'était la tonalité qu'on prenait avant, on prenait le téléphone, on avait un là, ouais, on dit voilà, c'était nous occidentaux. c'est cette fréquence là c'était quoi au téléphone? C'est le là 440, d'accord. Alors okay. Que tu vois, moi j'ai une shruti box, c'est un instrument indien qui se rapproche d'un harmonium. Elle est en 434, et puis bah, s'il fait chaud, elle va monter un peu. Ah oui, après, voilà. c'est ça aussi, hein, ça bouge légèrement. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est des histoires de situations géographiques et d'ethnie. D'accord, très bien. Et puis après, c'est une question d'habitude. Et c'est vrai que quand on est habitué à écouter une gamme, voilà, nous on écoute une gamme européenne, etc. Si après on voit qu'il y a une petite nuance, on se dit tiens, ouais, c'est bizarre, ça nous perturbe un petit peu au départ, mais finalement, voilà, pourquoi pas. Mais il y a des Occidentaux, quand la musique arabe a commencé à percer en Occident, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était faux, parce que les quarts de ton, notre oreille, elle n'est pas habituée. Elle n'est pas habituée, oui, voilà. Mais bon, je pense que... Mais maintenant, ça s'est popularisé, donc c'est rentré un peu dans les mœurs. Mais c'est vrai que dans les débuts où ça arrivait en Occident, les oreilles, elles n'étaient pas apprêtées. La musique, c'est culturel, ça se transmet. Exactement. Et effectivement, si on est habitué à écouter des demi-tons, des quarts de tons, ça nous semble normal. Et par contre, si on n'est pas habitué, dès qu'il y a un truc comme ça, on se dit, oh, il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Mais bon, après, on s'adapte à tout, hein. Et à force d'écouter de la musique orientale, bah, aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre culture. Voilà, la culture s'élargit. On écoute plein de choses différentes. Et puis, je crois que c'est intéressant de des fois un petit peu se perdre, des fois écouter aussi plein de choses différentes. Très bien. Donc, j'ai partagé tout à l'heure aussi, j'ai cherché ton site, donc eaudeprieur.fr, que j'ai partagé aussi sur le Facebook. Je pense qu'on est à jour, on n'a pas oublié grand-chose. Hein. On est pas trop mal, hein, dans le timing. D'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec le groupe Oniris depuis votre dernier passage ici, à part le dernier album? On a fait pas mal de concerts, oui, quand même, entre-temps. Bah oui. Est-ce qu'il y a des concerts qui nous ont marqué plus que d'autres? On a fait pas mal le spectacle, la version spectacle, d'accord, à l'époque, qui s'est arrêtée. Et on a fait notre premier concert avec la nouvelle version chez Défi, au Clich, au mois de février. D'accord. Voilà. Ça s'est bien passé, ça a été bien perçu? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça veut rien dire. Alors moi je le vois souvent, je vois des fois des groupes qui passent sur Orléans et on va aller voir dans une salle et on se dit tiens, il y a pas grand monde. Et le lendemain, ils sont dans une autre ville et il y a plein de gens. Donc après, bon, voilà, je crois que ça fait partie dans la carrière d'artiste. Il y a des endroits où on joue, il y a plein de monde, on est content. Le lendemain, il y a moins de monde. Bon, l'important, dire, c'est que les gens, ils soient contents. Voilà. Tout groupe confondu, les salles où j'ai joué, où c'était le plus vide, c'était à Orléans. D'accord. En fait, on est quand même particulier à Orléans, alors. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai joué quand même dans pas mal de régions de France. Et avec différents groupes. Et quand on vient, on n'est pas connu parce qu'on vient d'une autre région. Et c'est plein. Les salles sont pleines. Ou des fois, quand on fait des concerts, tu sais, qu'organisent les villes l'été. Je me souviens d'un concert dans une ville qui s'appelle Moissac. C'est près de Montauban. Il y avait la totalité de la ville qui était au concert, en fait. Ouais, c'est magique, des fois. C'est magique. Ouais. Et tu te dis, tu viens à Orléans, en fait. Quand on est vraiment à Orléans, c'est là où j'ai fait les salles les plus vides. D'accord, donc les Orléanais, vous avez entendu, il va falloir aller au concert. Non, c'est vrai que après les Orléanais, on sait aussi qu'ils ont un petit peu de mal, c'est-à-dire que quand ils vont au concert, il faut les chauffer un peu au début, même si à la fin ils dansent un petit peu, ils mettent du temps quand même à rentrer dans l'ambiance. Je sais pas, est-ce que c'est culturel, je sais pas, mais il y a des endroits, moi je compare souvent, parce que je vais assez souvent en Espagne, et là-bas déjà les fêtes elles commencent pas à 20h, elles commencent à 2h du matin. Vous y allez à minuit, il y a personne, c'est pas commencé. Ouais. À 7h du matin, il y a encore la musique. Il y a un décalage à ce niveau-là. Et puis après, il y a aussi les gens qui bougent facilement. Et la musique, hop, on bouge. On connaît pas. Voilà, c'est culturel. Je pense qu'ils sont habitués à sortir, à aller. Est-ce que c'est parce qu'il fait plus chaud? On se dit ouais, parce qu'ils ont un meilleur temps. Mais nous, quand il fait très chaud ici, c'est pas mieux, quoi. Mais ça dépend des endroits. Hein, ouais, ça dépend des endroits. Tu vois, cet été avec Blonde Rousse, on a joué à Chessy, à la Guinguette, là. Il y avait 300 personnes, en fait. D'accord. Bah, le mois d'après, on a joué à Orléans, il y avait 19 personnes. Ouais, donc le voilà. Le même groupe, le même programme. Oui, oui, ben ça... Tu vois, Chessy, c'est pas très loin pourtant. Ouais, ouais. Et moi, je connais aussi des endroits, des fois, où il y a des salles de concert. Et on dit, mais ils sont très loin d'Orléans, ils sont isolés dans leur truc. Ouais, mais au même temps, il n'y a rien d'autre autour. Donc, tous les gens qui sont autour, viennent, ils sont là. Et on remplit des salles. Alors qu'à Orléans, y a tellement de choses à Orléans que finalement les gens ils boudent un petit peu. Ouais. Ouais, puis il y a tellement de choses en même temps. Ouais, en même temps. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait le soir là où on a joué au Crige, déjà il pleuvait, il faisait froid. C'était le vendredi, comme là, c'était les vacances scolaires. Et en fait il y avait plein de choses en même temps. Donc voilà. Après le public était là, était ravi. Ils nous ont fait des super retours parce que nous on aime bien échanger aussi avec le public parce que c'est comme ça que ça te permet d'évoluer aussi. Donc non, on a eu des super retours. Pour nous c'était quand même un beau souvenir. Mais c'est vrai qu'on déplore. Il y avait une vingtaine de personnes. Voilà. Après, si les gens sont contents, le plus important, c'est que le concert se passe bien, que les gens qui sont là étaient vraiment dans le truc, qu'ils aient vraiment apprécié tout ça, que tout le monde quand ils s'en vont se dise voilà, on a passé une bonne soirée, je regrette pas. Mais après, c'est dommage pour ceux qui sont pas venus, hein, parce qu'ils ont loupé quelque chose en même temps. Voilà, tant pis pour eux, hein, il fallait venir. Et après, c'est vrai qu'on voudrait qu'il y ait plus de gens, mais bon. Comment faire? Des fois, c'est pas évident. Et quand il y a plusieurs événements en même temps, il faut savoir que moi, par exemple, dans les Maverick Live qu'on prépare, on réserve les salles un an et demi avant. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors les gens ils disent ouais mais comment ça se fait, vous avez fait ça en même temps que le truc. Ouais mais on ne le savait pas. Ben non, mais de toute façon, effectivement, quand on programme, on a un an d'avance. Ouais. On peut pas savoir que tel ou tel événement va avoir lieu en même temps. De toute façon, faut pas s'arrêter à ça. Oui. Et puis, il faut aussi se dire que c'est pas forcément les mêmes publics qui vont fréquenter telle ou telle salle ou tel aussi, ou tel ouais, groupe. Ça, et après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que nous, ça nous est déjà arrivé dans l'association Mavrica, par exemple, de voir qu'une fois, ah bah, il y avait une autre association, amie. On s'est dit, bon, mince, ils font un truc, ils sont pile poil en même temps que nous. Mmh. Et ça nous est arrivé deux fois d'annuler. Mais par contre, personne n'a jamais annulé pour les Mavrica Live. Ah oui, oui, non, donc oui. Voilà, au bout d'un moment, on se dit, bah non, on le fait, on y va. Et voilà, la date est réservée, on a prévu cette date-là, on le fait. Et puis c'est tout, voilà. Donc après, les gens, ils choisiront. Si on a moins de monde, c'est pas grave. La fois d'après, on aura un peu plus. Et puis c'est tout. Voilà. L'important, c'est que nos événements nous plaisent déjà, qu'on passe un bon moment ensemble. Et puis que les gens, quand ils ont fini le concert, soient tous contents. Et quand il y a des sourires dans les visages, c'est le plus important. Voilà. Voilà, donc on papote, et puis on arrive bientôt à l'heure, hein. C'est ça, hein. je mets mes lunettes. Bah oui, on est à 5 minutes de la fin, donc pile poil, on n'aurait pas pu faire mieux, dis donc. Donc on va essayer de rendre l'antenne pas trop tard, puisque demain, toi, tu travailles. Sinon, moi, je te garde et on fait un truc jusqu'à 4h du matin. Non, aujourd'hui, maintenant, on finit un peu plus tôt. On va discuter un petit peu après, on va prendre des photos. Donc les photos, on les postera dans le courant de la semaine, donc souvent, c'est le lundi. Alors, exceptionnellement, la semaine dernière, je les ai postés que le mardi. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un ordinateur qui des fois il est un peu fatigué, donc il rame, et puis on sait comme ça. Moi je dis ça me prend la tête. Je pense que le public ne t'en tient pas rigueur. Donc j'ai publié le lendemain, il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à publier toutes les photos, et puis les gens sont contents, ils s'en servent. La preuve, c'est que vous en servez aussi dans le compte Facebook. Donc on va dire les phrases magiques, que le rock'n'roll soit avec vous. Que la musique en général soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Ça, c'est, je pense qu'on est tous d'accord. Et everything is gonna be alright. Parce que nous, malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous, on est toujours optimistes et on espère que tout ira pour le mieux. Chaque jour sera meilleur que le précédent. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. En tout cas, cette émission, en tout cas, est passée très vite. Hein. On arrive 3 heures, ça paraît long, mais finalement, on arrive à la fin. Je pense qu'on n'a rien oublié. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bah, juste dire un mot sur le dernier morceau oui, avant justement. Que vous l'écoutiez, voilà, parce que du coup c'est un titre en polonais. D'accord. En fait, Natura jest piękna, ça veut dire la nature est belle. Ok, d'accord. Voilà, bah, c'est tu vois, un peu une ode à la chose. Nature. Pour finir. Mais j'aime bien aussi, moi, écouter des trucs en plusieurs langues, parce que chaque langue a une musique différente aussi. Tout à fait. La manière de parler, etc., les accents, et même au niveau des intonations, il y a des pays où on parle plus grave, d'autres où on parle plus aigu. C'est drôle, hein, c'est les gens, ils adaptent par rapport à la langue. Et pareil, dans l'émission Mavrica, on m'a demandé souvent qu'est-ce que ça veut dire Mavrica en portugais. Alors moi j'ai dit Mavrica en portugais, ça veut rien dire du tout, puisque c'est du slovène, tu vois. Et c'est vrai que c'est un clin d'œil. Pourquoi slovène? Parce que simplement, j'ai traduit arc-en-ciel dans toutes les langues du monde. Hein, sur Internet, aujourd'hui, c'est très facile. On met traduction arc-en-ciel. Et là, il y avait toute une liste. Et j'ai lu Mavrica et j'ai dit, c'est joli comme nom. Et voilà, on a pris Mavrica. Alors qu'en vérité, ça se dit Mavrica. Voilà, c'est comme ça. Mais je le savais pas. On me l'a dit après, mais je me suis dit bon, nous on va rester Mavrica parce que on aime bien. Et puis c'est l'émission. Et puis quand on tape Mavrica, que ce soit dans le monde entier, ben on tombe forcément sur nous. Ou alors sur des arcs-en-ciel en Slovénie. Voilà, tout simplement. C'est joli. Donc voilà, nous, le côté arc-en-ciel, ben on est toujours fiers d'être sur le 96.2 MHz, Radio Arc-en-Ciel, Orléans. Donc, où il y a plein d'émissions différentes et dans laquelle on fait l'émission Mavrica depuis bientôt 16 ans. Donc le temps passe très vite. 682e émission avec Oniris. Voilà. Autre chose à rajouter, Aude? Ben, merci à toi, Albino, de nous avoir invités. Bah, toujours un plaisir. Moi aussi, je suis là tous les vendredis soirs. C'est parce qu'à chaque fois, je rencontre des gens charmants et je suis content qu'ils viennent et qu'ils reviennent comme vous. Donc, et puis, pensez aussi à Thomas, qui est dans une épreuve très grave. On lui souhaite un bon courage. Et sinon, il serait avec nous. On aurait partagé un beau moment. Mais, malheureusement, la vie est faite comme elle est faite. Mais pensez à lui. On l'embrasse très fort. Et puis, on espère le revoir, très bientôt. Donc, pour une prochaine émission. Tout à fait. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, ça fait plaisir. Bah oui, et puis les petits commentaires aussi, ça nous fait plaisir. Je vois que ça continue d'arriver. Il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées, donc mettez un petit j'aime simplement, ça nous fait plaisir. Et puis il y a aussi des petits commentaires, hein, donc bonne émission, etc. Voilà, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui savent qu'on défend les artistes de la région et qui sont eux-mêmes la plupart du temps des artistes. Donc voilà, il faut faire la musique, il faut la partager et écouter aussi ce que font les autres, ça c'est très important. Donc voilà. Tout à fait. On écoute donc le dernier morceau. On clôture avec le dernier morceau. Et on arrive pile poil à l'heure, tu vois. On va dépasser de quelques minutes. Et on remercie aussi Florent de nous enregistrer l'émission et de la mettre sur un site dans lequel elle restera pour toujours. Et je partagerai le lien, comme ça vous pourrez réécouter l'émission si elle vous a plu, l'écouter si vous l'avez loupé, l'enregistrer même, vous pouvez l'enregistrer et la conserver, et vous pouvez l'écouter maintenant, ou alors dans 15 jours, ou dans un an, ou dans 100 ans, j'espère en tout cas. Voilà, elle est archivée. Merci Florent, merci à Radio Arc-en-Ciel aussi de nous permettre de faire cette émission, de nous laisser vraiment carte blanche pour l'émission Mavrica, comme dans les autres émissions. Donc on a la particularité sur Radio Arc-en-Ciel de pouvoir faire ce qu'on a envie et de partager ce qu'on aime. Donc merci beaucoup en tout cas à toi Aude, et longue vie au projet Oniris. Voilà, c'est parti, on écoute le dernier morceau. Le dernier morceau s'appelle Natura. Natura. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Embaixadores acreditados aqui na capital federal norte-americana. Nesta altura, não há nenhuma garantia de que as negociações tenham sucesso, embora este passo de delegações dos Estados Unidos e do Irão avançarem para Islamabad seja um indicador de que haverá vontade por fim ao conflito. A correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos. Entretanto, a televisão estatal paquistanesa indica que a delegação iraniana já chegou ao país para as negociações com os Estados Unidos. Lidera essa delegação o presidente do Parlamento do Irão. A dois dias das eleições na Hungria para a escolha de um novo governo, hoje